Vie de Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, par Monsieur de Villefort. Publié par Monsieur l'Abbé Migne, markemdanarchive.org, d'après le PDF de l'abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Livre 5e. Jusqu'alors les carmes et les carmélites de la Réforme n'avaient point de supérieur particulier, et vivaient sous l'autorité des carmes de l'observance mitigée. Mais par une conduite spéciale de la Providence divine, le père Jérôme Gratien, religieux de la Réforme, quoique assez nouveau dans les exercices de la vie religieuse, fut nommé commissaire et visiteur apostolique des carmes des deux observances. Dans la province d'Andalousie, il eut de si étroites liaisons avec Thérèse, qui s'aperçut bientôt de ce qu'il valait, qu'on ne peut se dispenser de rapporter sur quoi elle avait fondé cette grande estime. Gratien prit naissance à Valladolid, en 1545. Son père avait été secrétaire de Charles Quint, et l'était encore de Philippe II. L'empereur l'avait fait chevalier, pour honorer l'antiquité de sa noblesse, et récompenser ses grands services. Il fit étudier son fils sous les jésuites, à Madrid, où la cour était déjà établie, et le jeune homme fit bientôt paraître ses heureuses dispositions. Il avait beaucoup d'esprit et des manières agréables et prévenantes. Il avait surtout un art de plaire et de se faire aimer, qui lui attirait tous les cœurs, et lui donna des amis illustres, et jamais personne ne sut mieux faire valoir sans affectation le mérite et les talents. En 1569 il reçut l'ordre de la prêtrise, peu de temps ensuite, l'amour de la pénitence le toucha si fort, qu'il voulut se faire religieux dans l'ordre des carmes réformés, dont les vertus l'avaient édifié pendant ses études de philosophie à Alcala. Lorsqu'il pensa sérieusement à s'y engager, il fut effrayé par l'austérité de cette vie, et combattit longtemps en lui-même. Enfin il prit le habit en 1572, le 25 mars, il fit bientôt connaître de quoi il était capable. L'étendue de son génie l'engagea de bonne heure en beaucoup d'occupations importantes, et le mit dans les grands emplois de son ordre, où il fut exposé à la jalousie, à cause de sa jeunesse et de son peu d'ancienneté de religion. Depuis longtemps il avait ouï parler de Thérèse, qu'il souhaitait fort de connaître. Comme il sut qu'elle était à Véa, il s'y rendit, et dès cette première entrevue, ils formèrent entre eux cette union de sentiments, qui les intéressa l'un pour l'autre dans toutes les occasions, où par la suite leur zèle pour la gloire de Dieu et pour les progrès de leur ordre, les mit à de si rudes épreuves. À peine le père Gratien était-il arrivé à Véa, que le nonce Ormanel envoya quérir pour le faire aussi visiteur de la province de Castille, à la place du père Ferdinand, qui se déposait. Mais avant de partir de Véa, il pria Thérèse d'aller fonder un monastère à Séville, où elle était fort souhaitée, il l'assura que les aumônes y abonderaient, et que l'archevêque le protégerait. La sainte y consentit pour lui plaire, quoiqu'elle n'approuvât pas fort ce dessein, et elle hâta son voyage à cause des chaleurs qui s'avançaient. Elle se mit en chemin, après avoir choisi pour l'accompagner si religieuses très propres à partager avec elle les peines qu'elle devait souffrir. Elles en eurent en effet de beaucoup de manières. Lorsqu'il leur fallut passer dans un bac la rivière de Guadalquivir, pour arriver à Cordoue, elles eurent un accident qui leur causa bien des alarmes. Les chariots ne purent descendre à l'endroit où le câble était tendu, et l'on fut obligé de prendre plus bas, en se servant néanmoins de ce câble. Ceux qui le tiraient ayant lâché, le bac s'en alla sans rame au fil de l'eau. Le désespoir du batelier, dans un péril si pressant, était ce qui donnait plus de peine à la sainte. Toutes ces religieuses se mirent en prière, et les autres jetèrent de grands cris. Un gentilhomme qui de son château fort proche voyait le danger, avait envoyé pour les secourir des avant qu'on eût lâché le câble que les religieux et les autres tenaient de toute leur force, et que la rapidité de l'eau les contraignit ainsi de quitter. Enfin Dieu eut pitié d'eux, le bac s'arrêta sur un banc de sable, et, la nuit étant venue, celui qu'on avait envoyé du château leur servit de guide pour les mettre dans leur chemin, car sans lui ils se seraient trouvés dans un nouvel embarras. Le lendemain matin, seconde fête de la Pentecôte, lorsqu'elles entrèrent à Cordoue, quantité de gens s'approchèrent de leur chariot pour voir qui était dedans, et lorsqu'elles arrivèrent à l'église où Julien Daville devait dire la messe, elle était remplie de monde à cause qu'elle était dédiée au Saint-Esprit. L'équipage parut surprenant à tout ce peuple, qui fit un si grand murmure, que Thérèse attribue la cessation de sa fièvre à la peur que cela lui causa. Lorsqu'il nous vit rentrer, dit-elle, avec nos manteaux blancs et nos voiles baissés, ils furent aussi émus que s'ils avaient vu entrer une troupe de taureaux dans l'église. Un bonhomme eut la charité de faire écarter la foule. Thérèse le pria de les mener dans quelque chapelle où il les enferma. Elle dit qu'elle fut fort impatiente de sortir de cette église, quoiqu'elle ne sût où mener sa troupe pour se retirer le reste du jour, qu'elles furent obligées de passer sur un pont dans leur chariot. Les chaleurs de l'Andalousie, qui sont très ardentes, les incommodaient beaucoup, et quand le soleil avait donné sur leur chariot, elles y étaient comme dans un poêle. Un jour qu'il les tourmentait davantage qu'à l'ordinaire, elles crurent devoir s'arrêter sur le midi, mais elles se mirent dans un si mauvais logis, que tout ce qu'on put faire, fut de leur donner une petite chambre sans fenêtre, qui n'avait pour plancher que le toit de la maison, et qu'un soleil brûlant perçait jusqu'au fond, quand on en ouvrait les portes. On me mit sur un lit, dit la sainte, mais qui était tellement dur, que j'aurais mieux aimé coucher par terre. Il était si haut d'un côté et si bas de l'antre que je ne m'y pouvais tenir, et il me semblait n'être fait que de pierres pointues. Tout est supportable en santé, mais en vérité, c'est une étrange chose que la maladie. Enfin je crus qu'il valait mieux me lever et partir, parce que le soleil de la campagne me paraissait encore plus supportable que celui de cette chambre. Cependant nulle sorte de souffrance extérieure ne lui enleva jamais la joie qui faisait le caractère de son humeur, elle offrait toutes ses peines à la majesté divine, et de là vint l'habitude qu'elle s'était formée d'employer à tout propos ou héroïque devise, ou souffrir ou mourir. Enfin elle arriva à Séville 3 jours avant la Trinité. Les pères mitigés vinrent lui demander en vertu de quoi elle fondait tant de monastères. Elle répondit simplement que c'était par ordre du père général. Le père Marian avait loué une maison, mais l'affaire ne put se terminer aussitôt que la sainte l'avait pensé, car, quoique l'archevêque eût accordé la permission, il ne voulait pas que le monastère fût établi sans revenu. Thérèse n'y pouvait consentir autrement, parce que la ville lui paraissait trop grande et trop célèbre pour ne pas espérer que les aumônes suffiraient à la subsistance de ses religieuses. Le père Marian sollicita l'archevêque avec tant d'instance, qu'il se rendit à la fin, et permit que la messe fût célébrée le jour même de la Trinité, le 29 mai 1575. Et cette maison fut encore mise sous la protection de Saint Joseph. L'archevêque avait accordé sa permission avec assez de restrictions et de peines, mais dès qu'il eut entretenu Thérèse, et qu'il eut goûté sa conversation, il fit tout ce qu'elle voulut et dit en la quittant, « Je ne crois pas qu'il y ait personne qui puisse jamais lui rien refuser. » Le monastère eut à souffrir dans les commencements, et il est étonnant qu'une ville opulente comme celle-là, et d'où les richesses des Indes se répandent dans toute l'Europe, n'ait paru pauvre que pour ses ferventes religieuses. Jamais elles ne souffrirent davantage ailleurs les rigueurs de la pauvreté. Thérèse y fut attaquée par la maladie, par l'ennui, par la médisance, par l'oubli des hommes, et souffrit beaucoup d'autres épreuves qui firent éclater sa vertu. On avait reçu dans ce monastère une fille que la réputation de sa sainteté rendait fameuse, mais les instructions qu'elle avait eues dans le monde, fort différentes de celles que l'on donnait dans le couvent, montrèrent son indocilité. Les religieuses s'en affligeaient fort, mais enfin, ne pouvant plus soutenir la régularité de cette vie, elle sortit, et la bonne opinion qu'on avait d'elle, pensa faire beaucoup de tort à ce nouvel établissement. Quelques gens de son parti poussèrent si loin les choses, que la sainte fut dénoncée à l'Inquisition, mais son innocence y fut aussitôt attestée en bien des manières. D'un autre côté, Dieu, qui la comblait ordinairement de consolation et de faveur, semblait l'avoir abandonnée à sa propre faiblesse, et ne faisait plus briller ses lumières au fond de son âme. Depuis le mois de mai qu'elle était à Séville, jusqu'au carême suivant, elle n'avait reçu de pas un endroit ni commodité ni soulagement, et son départ approchait. Elle eut recours à son asile ordinaire, et dans la ferveur d'une prière ardente qu'elle fit à Dieu, elle crut l'entendre lui dire « Je vous ai exaucé, prenez confiance », cela lui parut suffire pour l'accomplissement de son œuvre. En effet, son frère Laurent de Cépède arriva des Indes en ce temps, et vint à Séville, où il lui fournit abondamment et avec plaisir toutes les choses dont elle eut besoin. On chercha une maison spacieuse, qui fut bientôt trouvée. Au milieu d'un grand concours des habitants, le Saint-Sacrement y fut apporté d'une autre église par l'archevêque, qui dit la messe fort solennellement, et ce nouveau lieu fut consacré avec beaucoup de gloire et d'éclat le 5 juin 1576. Une dame fort riche et d'une vertu solide, ayant appris l'indigence où avaient été jusque-là ses religieuses, fut inspirée de les secourir. Comme elle ne voulait pas que dans le public on sût ses libéralités, elle choisit pour les faire une béate à qui elle défendit de leur dire d'où ce secours venait. La béate disposa de ses aumônes selon sa propre dévotion, et les distribua à plusieurs personnes de sa connaissance, supposant que des religieuses n'étaient pas tant à plaindre, et qu'elles n'en avaient pas tant de besoin, de sorte que, sans beaucoup de scrupules, elle reçut durant plusieurs jours les charités que cette dame lui commandait de porter aux carmélites, qu'elle laissait languir dans leur pauvreté. Enfin Dieu, qui ne voulut pas plus longtemps exercer la patience de ses épouses, permit que cette dame apprît l'infidélité de sa dévote, dont elle ne se servit plus, et les religieuses commencèrent à jouir des aumônes qui leur étaient destinées. Le prieur de la Chartreuse des Grottes qui fut informé de leur misère, les assista aussi beaucoup longtemps, et Thérèse en ses lettres témoigne en plusieurs endroits combien elles se sentaient redevables à la générosité de ce grand religieux. Le couvent se vit bientôt en meilleur état, et notre saint qui, depuis un an demeurait à Séville, prit ses mesures pour en partir, après avoir tout mis en ordre. On ne saurait dire combien ses filles furent touchées de ce départ, et ces séparations étaient toujours une de ses plus sensibles peines. « Ce n'était pas pour moi, dit-elle, une petite violence, que de me séparer de mes sœurs pour aller dans un autre endroit. La tendresse dont je les aime est si vive, que je puis bien dire avec vérité, que ces adieux étaient bien tristes pour moi. Surtout quand je pensais que je ne les verrais plus. La douleur qu'elles ressentaient de leur côté, leur laissait répandre quantité de larmes, car quoiqu'elles soient détachées de tout le reste, Dieu ne leur a pas fait la grâce de l'être de moi. Je faisais tous mes efforts pour ne leur pas témoigner ma douleur, et les reprenais même d'être encore si imparfaites, mais leur inclination était si forte, que mes remontrances ne servaient de rien. Il se trouva par les suites dans cette maison des filles de beaucoup d'esprit. Cela ne déplaisait pas à notre sainte, qui croyait celle de ce caractère plus propre que les autres à entretenir la paix, quand d'ailleurs elles sont soumises, mais elles ne voulaient pas que leur lumière et leur talent leur donnassent lieu de s'amuser à des sciences étrangères à leur état. C'est pour cela que dans une lettre qu'elle écrivit un jour à la prieure de ce couvent, « Il faut, lui dit-elle, que je n'oublie pas à vous mander, que la lettre du père Marian m'aurait paru belle, s'il n'y avait point eu de latin. Je prie Dieu de délivrer toutes mes filles de la vanité d'entendre le latin, que cela ne leur arrive jamais plus, et ne le permettez point du tout. J'aime bien mieux qu'elles aient la sainte ambition de paraître simples et ignorantes, comme plusieurs saints ont fait, que de vouloir être rhétoriciennes. » Elle partit le plus tôt qu'elle put, pour prévenir les chaleurs, et vint se livrer à d'autres travaux. Elle se fut trouvée soulagée de ne plus fonder de maison, car il y avait longtemps qu'elle désirait de finir sa vie dans le repos et dans la retraite. Mais lorsqu'elle était sur le point de partir d'Avila pour la fondation de Véa, la femme d'un des auditeurs du conseil lui avait écrit de Caravac, pour la prier instamment d'y venir fonder un monastère. Trois jeunes demoiselles distinguées par leur naissance, et toutes trois nommées Françoise, après avoir été fortement touchées par une éloquente prédication d'un père jésuite, avait renoncé généreusement au monde, et s'était renfermé dans la maison de cette dame, qui les avait mises dans un appartement solitaire, où elle ne s'occupait qu'à la méditation des choses divines. La réputation de Thérèse ayant pénétré dans leur retraite, elle souhaitait ardemment d'être admise au nombre de ses filles. Lorsque la sainte en avait appris la nouvelle, elle s'était disposée pour aller à Caravac dès qu'elle aurait eu achevé l'établissement de Véa, mais le père Gratien, nouveau visiteur, avait jugé à propos qu'elle différa, et qu'elle fit auparavant celui de Séville. Ce retardement avait été très sensible à ces demoiselles, ainsi Thérèse ne fut pas plus tôt libre, qu'elle fit partir cinq religieuses pour Caravac, où elles arrivèrent 8 jours avant la fête de Noël. Dès que toutes choses eurent été réglées, et les permissions obtenues, on prit possession le premier jour de l'année 1577. Le monastère fut consacré sous le nom de Saint-Joseph, et les trois demoiselles y prirent l'habit. À la fin de l'année précédente, la sainte avait écrit l'histoire de ses fondations jusqu'alors, et elle l'avait commencé en 1575, durant son séjour à Salamanque, par ordre du père Ripalda, jésuite, son confesseur. Thérèse n'a point fait d'ouvrage où son caractère soit mieux dépeint que dans celui-ci, car non seulement elle rend agréable le détail de ses relations, mais elle ne fait jamais mieux paraître la gaieté de son humeur. Que lorsqu'il y a des événements fâcheux et des marches fatigantes à raconter. Après cette fondation de Caravac, Thérèse fut 4 ans sans en faire d'autres. Elle l'écrivit même au père général, pour lui demander la grâce de n'en plus faire, mais il la refusa, et lui manda qu'il voudrait qu'elle pût fonder autant de couvents de carmélites qu'elle avait de cheveux à la tête. Cependant, peu de temps après cette réponse, il changea bien de sentiment. La sainte, après la fondation de Caravac, était retournée à Tolède pour quelques règlements qui exigeaient sa présence. Elle y eut occasion d'écrire à son frère, qui depuis son retour des Indes, demeurait à Avila, et l'on voit dans ses lettres avec quelle facilité de génie elle traite toutes sortes de matières. « Je vous avertis, lui dit-elle, de faire visiter la maison où vous êtes logé. Il me semble que j'ai ouï dire qu'il y avait un appartement prêt à tomber. Prenez-y bien garde. Le nonce m'a mandé de lui envoyer le nombre de nos religieuses, leur origine, leur âge, leur nom. Si c'est pour en choisir quelques-unes et les envoyer réformer d'autres couvents, cela ne nous conviendrait pas. Je vous prie de dire à la supérieure d'Avila de m'envoyer les noms de toutes les professes, l'année de leur réception, et leur âge, et de signer cet écrit, mais je fais à présent réflexion que je suis prieur de ce couvent, et je le signerai moi-même. La fête du Saint-Nom de Jésus qui était hier, fut fort solennelle pour nous. Je n'ai rien à vous envoyer pour tous vos bienfaits, que ces chansons que mon confesseur m'ordonna de faire pour réjouir mes sœurs. Je ne saurais les mieux divertir, l'air en est beau, et je souhaiterais que le petit François le pût apprendre. L'estance que j'ai faite n'ont ni pied ni tête, mais on ne laisse pas de les chanter. Quelle cervelle de fondatrice que vous semble-t-il de son jugement? Cependant j'en croyais avoir beaucoup quand je fis ces vers. Je vous envoie un cilice dont vous vous servirez, quand vous vous trouverez trop dissipé durant la prière. Écrivez-moi comment vous vous accommoderez de cette bagatelle, on peut bien l'appeler ainsi, quand on se souvient de ce que Jésus Christ a souffert pour nous. Je ne puis m'empêcher de rire, lorsque je pense que pour les confitures et l'argent que vous nous avez envoyés, je vous fais présent d'un cilice. Le docteur Velasquez, mon confesseur, m'est venu voir aujourd'hui, je lui ai communiqué ce que vous me marquez de la tapisserie et de la vaisselle d'argent que vous voulez acheter, il dit que cela ne fait ni bien ni mal, pourvu que vous soyez bien persuadé de la vanité de ces sortes de choses, et que vous n'y soyez pas attaché. Il avoue même qu'il est juste que vous ayez une maison meublée selon votre qualité, puisque vous devez marier vos enfants. À vous parler franchement, ce parent qui est venu ici m'a beaucoup ennuyé. Que voulez-vous faire à cela? Il faut passer ainsi la vie. Je ne m'étonne donc pas de votre ennui, les mitigés depuis longtemps remarquaient avec peine les progrès de la réforme. Il croyait voir dans les succès et dans la réputation de Thérèse bien des raisons de s'en chagriner, et d'ailleurs les liaisons où elle se trouvait avec le père Gratien leur faisaient craindre qu'il ne voulût les porter à la même régularité que les réformés. Ce père s'était acquis beaucoup de crédit sur l'esprit du nonce Ormanet, qu'il avait fait visiteur apostolique de l'Andalousie et de la Castille, et les mitigés, qui prétendait avoir parmi eux des hommes plus capables que lui de ses emplois, les voyait avec une extrême douleur entre les mains d'un homme si jeune et si nouveau dans leur ordre. Le père Gratien, qui sut leur mécontentement, voulut se démettre de ses charges, mais le nonce l'en empêcha. Enfin les carmes tinrent un chapitre général à Plaisance en Italie, où il fut ordonné que la sainte ne ferait plus nulle fondation, et qu'elle se tiendrait dans une chambre du monastère qu'elle choisirait pour sa demeure, avec défense d'en sortir. On avait écrit contre elle au général des choses très désavantageuses et très injustes, et l'on n'épargna pas davantage les carmes réformés, qu'on traitait de désobéissants et de séditieux. Ce chef d'ordre changea si promptement toutes les dispositions favorables où il était auparavant, qu'il crut que pour le bien de la paix, il fallait entièrement détruire cette réforme. Un tel dessein parut ébranler toutes les fondations. Un nouveau nonce venu depuis la mort du nonce Ormanet, et prévenu des Roms contre les carmélites et les carmes déchaussés, leur faisait éprouver diverses peines, la prison, les pénitences, les censures ecclésiastiques accablaient ces innocents religieux. On leur défendit d'entreprendre aucune affaire, on déposa le père Gratien, on nomma pour visiteur à sa place le père Ange Salazar, et tout paraissait sur le penchant de sa ruine. Thérèse apprit sa nouvelle à Séville, où quelques affaires l'avaient rappelée, et se sentit fort affligé des peines qu'on exerçait contre ses pères, à qui leur vertu attirait des croix si pesantes, car pour ce qui la regardait, elle fit assez voir que son cœur n'en perdit rien de sa tranquillité ordinaire. Dans la lettre qu'elle écrivit au général à cette occasion, il semble que cet événement lui soit étranger. Elle le félicite d'abord sur le succès de ses entreprises dans la congrégation de Mantoue, elle lui rend compte des derniers établissements qu'elle a faits. Elle lui demande grâce pour le père Gratien et le père Marian qu'on avait accusé devant lui, car quoiqu'elle ne les croit pas coupables, elle le suppose, pour ne pas faire penser au général qu'il les faisait persécuter mal à propos. Elle lui rapporte, pour les justifier dans son esprit, des raisons qu'elle le prie de considérer. « Peut-être, lui dit-elle, n'êtes-vous pas si bien informé en Italie, que moi qui suis sur les lieux, et nous autres femmes, quoique nous ne soyons pas propres à donner des conseils, quelquefois pourtant nous rencontrons bien. » Lorsqu'elle vient ensuite à l'endroit où elle lui parle de ce qui la regarde, il y a plaisir à voir avec quel dégagement elle le fait. « J'ai appris, dit-elle, l'ordonnance du chapitre qui me défend de sortir du couvre que je choisirai. Le père Ange Salazar, provincial, l'avait envoyé au père Ulloa, avec ordre de me la signifier. Ce bon père, qui crut que cela me fâcherait, car on ne me la procurait qu'à ce dessein, la gardait dans sa chambre, de crainte de m'affliger. Il y a un peu plus d'un mois que l'ayant su par une autre voie, j'ai fait en sorte qu'il me la signifia. En vérité, j'eusse été ravi que vous m'eussiez déclaré vos ordres par une lettre, ou j'eusse été bien contente de remarquer que vous aviez pitié de moi, et de tous les travaux que j'ai essuyés dans ces fondations, car je ne suis pas assez forte pour souffrir beaucoup. Si pour récompense de mes fatigues vous m'eussiez ordonné de me reposer, cela m'eût fort satisfaite. Mon respect pour votre révérence, et ma délicatesse pour tout ce qui vient de vous, ont beaucoup contribué au ressentiment que j'ai eu que cette ordonnance m'ait été signifiée comme à une personne fort désobéissante. Le père provincial en a parlé de la sorte à toute la cour, et il le croyait de même, car comme si j'eusse eu quelque répugnance à me soumettre à vos volontés, il me mandait que je pouvais m'adresser au pape, mais ce n'est pas là ma conduite. Quand j'aurai toute l'opposition imaginable à vos commandements, je n'aurai pas moins d'exactitude à les suivre. J'ai voulu exécuter vos ordres vers les fêtes de Noël, mais comme le chemin est trop long, on ne me l'a pas permis, on a cru que ce n'était pas l'intention de votre révérence, que je hasardasse ma santé dans une saison si rigoureuse. Je ne prétends pas demeurer toujours dans cette maison, mais seulement jusqu'à la fin de l'hiver, car je ne me trouve pas bien avec les gens de l'Andalousie. En quelque endroit que je sois, je vous supplie fort de ne pas discontinuer de m'écrire. Comme je n'ai pas d'affaires à présent, ce qui me plaît beaucoup, je crains que vous ne m'oubliez, mais je vous en empêcherai bien, et, quand je devrais vous ennuyer, je ne cesserai point de vous écrire, il y va de mon repos. Ce que nous venons d'extraire de cette lettre ne témoigne pas une personne fort aigrie, aussi Thérèse ne l'était-elle pas, les choses qu'on déposait contre elle et contre les religieux et les religieuses de sa réforme, furent si diffamantes, qu'on ose en faire le récit. On dit d'elle sur l'honnêteté, les calomnies les plus atroces, et tout ce qu'on peut reprocher à la femme la plus perdue, les écrits injurieux couraient d'une main à une autre, peu s'en fallut même que le nonce n'ajoutât créance à ces faux bruits. Et il la traita de femme inquiète et vagabonde, lorsqu'elle fut à Tolède, où elle avait choisi sa détention. L'évêque de Terrassonne, qui avait alors soin de sa conscience, dit qu'il admirait la situation de joie et de constance où elle était, tandis que tout le monde se déchaînait contre elle sans l'épargner. En la présence de cet évêque, elle reçut une lettre du père Gratien, où il paraissait désespéré du succès de leurs affaires. Cette nouvelle découragea tout à fait le père Marian qu'elle avait auprès d'elle, mais elle n'en fut nullement abattue, et dit d'un air ferme, « Nous souffrirons bien des travaux, mais la religion subsistera. » Tous les jours on lui faisait de nouveaux rapports de tout ce qu'on disait contre sa conduite. On lui vint rapporter un jour qu'un homme, dans une conférence de gens graves, l'avait comparée à une femme décriée dans toute l'Espagne. « Ah, dit-elle, S'il me connaissait, il en dirait de moi bien d'autres. Comme elle passait ensuite dans une chambre voisine, elle se heurta rudement au front contre le pivot d'une porte, et le coup retentit fort loin. On accourut, et on la trouva qui riait. « Ma sœur, dit-elle, je suis bien blessée, et je sais bien où je le suis, mais pour ce qu'on me disait tout à l'heure, je ne sens nul endroit où cela me fasse mal. Nous ne saurions mieux marquer les sentiments où elle était sur la persécution qu'on lui faisait, que par le commencement de la lettre qu'elle écrivit de Tolède à Pastrane à un carme déchaussé, d'une éminente vertu, nommé Jean de Jésus Roca. J'ai reçu, lui dit-elle, votre lettre dans cette prison où je suis renfermée, avec un extrême plaisir de voir que je souffre tous ces travaux pour mon Dieu et pour ma religion, tout ce qui m'afflige est de penser que vous êtes en peine de moi, et votre affliction est la seule que je ressente, ainsi, mon fils, ne vous chagrinez pas, ni vous ni les autres religieux, car je puis dire comme saint Paul, quoique je ne sois pas sainte comme lui, que les prisons, les travaux, les persécutions, les tourments, les calomnies que je souffre pour ma religion et pour mon Sauveur, sont autant de bienfaits de sa main divine. Je ne me suis jamais vu avec moins d'embarras que maintenant. Dieu protège et assiste les prisonniers et les affligés, je lui rends mille grâces, et il est juste que vous le remerciez aussi des faveurs qu'il me fait dans cette captivité. Hélas mon père, est-il un plus grand plaisir que de souffrir pour un Dieu si bon? Les saints ont-ils été jamais plus dans leur centre et dans le comble de leur joie, que quand ils ont souffert pour lui? La croix est le chemin le plus sûr et le plus frayé pour aller à Dieu. Cherchons donc la croix, mon père, embrassons-la. Soupirons après les souffrances, malheur à notre réforme, malheur à nous tous, si elles viennent à nous manquer. Vous me marquez dans votre lettre que le Seigneur non s'a fait défense de fonder aucun couvent de carmes déchaussés, et même qu'à l'instance du Père Général, il a ordonné de détruire ceux qui sont déjà fondés. Vous ajoutez qu'il est en colère contre moi, que tout le monde s'est armé contre mes enfants, qui se cachent dans les grottes obscures des montagnes, et dans les maisons les plus retirées, de peur d'être trouvés et d'être pris. Voilà ce que je ressens dans mon cœur, voilà ce qui m'afflige. Est-il possible que mes enfants doivent souffrir pour une pécheresse et une mauvaise religieuse? Tant de persécutions et tant de peines, mais je suis sûr que Dieu n'abandonnera point ceux qui le servent avec ferveur et avec fidélité. Thérèse avait raison de l'espérer. En tous les monastères réformés on levait les yeux et les mains au ciel pour implorer du secours. Tous les amis de cette réforme s'employaient pour elle, et rien ne réussissait en apparence, mais bientôt après on vit la providence divine se déclarer en sa faveur. Pendant ce temps elle fut encore tourmentée d'autres peines qui ne regardaient pas sa réforme, car tous les maux de l'Église, de quelque nature qu'ils fussent, l'affligeaient, à l'occasion de la mort de Charles IX, roi de France. Elle fit voir combien elle appréhendait que la mort de ce prince ne facilitât dans le royaume les progrès de l'hérésie calvinienne. De la manière dont elle s'explique sur cela dans une lettre au seigneur Dom Toton de Bragance, on voit combien les intérêts de Jésus-Christ lui tenaient au cœur, et comme elle était également sensible à tout ce qui pouvait y avoir quelque rapport, tout ce qui contribuait au salut des âmes en quelque façon que ce fût, lui donnait autant de joie que leur perte lui causait de peine. C'est par cette raison qu'elle fut satisfaite de voir ce grand homme nommé à l'archevêché d'Évora en Portugal. C'était un ministre ecclésiastique d'une éminente vertu, avec qui elle était en grande liaison d'amitié, et même de confidence, car elle lui ouvrait entièrement son cœur sur ce qu'elle pensait des tempêtes qui agitaient sa réforme dans ce temps où elle était si persécutée. Il paraît bien par une autre lettre qu'elle lui écrit, que le mérite du père Gratien était le principe de tout cet orage. Ce grand homme excitait la jalousie des mitigés, non seulement à cause de ses qualités personnelles, mais de la confiance que Thérèse prenait en lui plus qu'en tout autre, ainsi tous les coups retombaient sur elle, comme elle le déclare. Jamais ses vertus ne jetèrent en déclin qu'en cette rencontre, tout ce qui la regardait uniquement ne la touchait guère, mais elle succombait à la douleur que lui causaient les calomnies qu'on faisait contre ses religieuses et contre le père visiteur. Elle dit qu'il les a souffertes comme un autre saint Jérôme, et laisse entrevoir qu'elle roulait sur des impostures de même genre que celles qu'on avait faites contre ce père de l'Église. Elle fait tout ce détail à cet archevêque, moins pour sa propre consolation, que pour celle du prélat qui lui avait exagéré quelques traverses qu'il avait eues, et par la comparaison des injustices dont il se plaignait, avec celles que ses religieuses avaient si tranquillement souffertes, elle tâche à lui donner quelque compte de son trou de sensibilité. Dans les peines de la nature, lui dit-elle, c'est une faiblesse quand les plaintes sont plus grandes que les maux. Après que la sainte eut répandu bien des larmes devant Dieu, bien redoublé ses mortifications et ses jeûnes, elle se crut obligée de solliciter le crédit des grands du royaume, et elle écrivit au roi en faveur de ses enfants, pour lui demander la grâce de les protéger. Ses paroles eurent tant d'efficace sur l'esprit de ce prince, qu'elles obtinrent ce que par tous les autres moyens on avait pu faire. Le père Ferdinand, dominicain, autrefois visiteur de l'une et l'autre observance, avait informé le roi de la vie régulière des réformés et des ennemis qu'ils avaient. Mais quoique ce prince et les évêques d'Espagne eussent instruit de la vérité le nouveau nonce, il était si prévenu et si attaché à son opinion, que cela n'eût pas été capable de le détromper. Si le roi n'eût trouvé l'expédient de lui donner 4 assesseurs pour conférer avec lui des affaires de cette réforme, les carmes déchaussés avaient pendant ce temps-là député à Rome pour obtenir la séparation des deux observances. Ainsi le résultat de la députation d'Italie et des commissaires examinateurs en Espagne fut qu'on séparerait les mitigés des réformés, et qu'ils auraient les uns et les autres un provincial particulier. Cette décision rétablit la paix dans les monastères des Carmes et des Carmélites, et notre saint en rendit à Dieu 1000 actions de grâce. Comme le couvent des Carmélites de Séville avait donné naissance à toutes ces agitations, la sainte, de temps en temps, écrivait à la prieure pour la consoler, mais laissait apercevoir, par le style libre et enjoué de ses lettres, que les persécutions n'ébranlaient guère le calme de son esprit. Durant cet orage, qui dura 4 ans, elle fut inquiétée par un événement d'une autre nature, mais qui ne laissa pas de l'embarrasser beaucoup. Nous avons dit que lorsqu'elle travaillait à fonder le monastère de Saint-Joseph d'Avila, il vint en cette ville un père jésuite, nommé le père Gaspard Salazar, pour y être recteur du temps du père Alvarez. La sainte eut des relations très particulières avec ce nouveau recteur, non seulement sur les affaires de sa conscience qu'elle lui découvrait, mais encore parce qu'il était un excellent homme d'oraison, et qu'il avait un tour d'esprit qui convenait au sien. Les progrès de la réforme des Carmes et Carmélites plurent beaucoup à ce religieux. Il en fut même si touché, qu'il voulut passer de sa compagnie dans ce nouvel ordre. Son père provincial, qui en eut connaissance, soupçonna la sainte d'avoir part à ce dessein, et lui en écrivit une lettre de mécontentement, qui donna lieu à la réponse qu'elle lui fit, très affligée qu'on eût jugé d'elle si différemment de ses manières accoutumées. Il y a dans cette lettre des instructions très solides et très remarquables sur bien des choses, et qui nous ont déterminés à la rapporter presque entière. À ne vous point mentir, lui dit-elle, j'ai été fort surprise quand j'ai lu la lettre que le père recteur m'a rendue de vous, et où vous me marquez que j'ai persuadé au père Gaspard Salazar de quitter la compagnie de Jésus pour passer dans notre réforme, et que même je lui ai fait entendre que c'est la volonté divine, déclarée par révélation. Pour la première chose dont vous m'accusez, Dieu sait que, bien loin de lui persuader de quitter votre compagnie, je ne l'ai jamais désiré, vous connaîtrez avec le temps que je dis vrai. Lors même que j'appris son dessein, dont je ne fus pas informé par lui, car il ne m'en a rien mandé, j'en fus tellement ému et tellement chagrine, que cela n'accommodait pas le peu de santé que j'avais alors. Et il y a si peu de temps qu'on m'a dit cette nouvelle, que vous l'avez su beaucoup avant moi. À l'égard de la révélation dont vous parlez, vous jugez bien, puisqu'il ne m'a point écrit son dessein, que je n'ai jamais pu savoir s'il en a eu quelqu'une, quand même ce serait moi qui aurais eu cette révélation, que vous appelez rêverie. Je ne suis pas assez imprudente pour faire un si grand changement sur un fondement comme celui-là, d'ailleurs je n'aurais pas eu la légèreté de le lui déclarer. J'ai, grâce à Dieu, plusieurs personnes qui m'enseignent l'estime et le crédit qu'on doit donner à ces sortes de choses, et s'il n'y avait eu rien de plus positif dans cette affaire, je ne crois pas qu'un homme aussi prudent que le père Salazar s'y fût beaucoup arrêté. Il faut, dites-vous, que les supérieurs vérifient ce qui s'est passé sur cela. Je trouve qu'on fera fort bien, vous n'avez qu'à lui ordonner, car il est certain qu'en l'avertissant, il ne fera rien sans votre permission. Je ne disconviendrai jamais de la grande amitié qu'il y a entre le père Salazar et moi, ni des bienfaits que j'en ai reçus, mais je suis persuadé que, s'il a eu tant de penchants pour m'obliger, c'était plutôt pour rendre service à Jésus, Christ et à sa Sainte Mère, que par aucune inclination pour moi, car je crois que nous avons demeuré quelquefois 2 ans sans nous écrire. Je ne nierai pas non plus que l'amitié qui est entre nous ne soit fort ancienne, tout le monde sait assez que je me suis trouvé en certain temps dans un plus grand besoin de secours qu'à présent, lorsque notre ordre n'avait encore que 2 carmes déchaussés, et j'aurais eu alors plus d'occasion de le porter à ce changement, qu'aujourd'hui que nous avons, grâce à Dieu, plus de 200 religieux, à ce que je crois, parmi lesquels il y en a d'assez capables pour conduire des filles simples et pauvres comme nous, et je n'ai jamais cru que la main de Dieu dût être plus raccourcie pour notre ordre que pour les autres. Vous dites encore que j'ai écrit afin de faire accroire et de faire dire que je le détournais de son dessein, mais, si j'ai pensé à de semblables choses, je prie Dieu de ne me point écrire dans le livre de vie. Qu'on permette à mon ressentiment une telle exagération, car je veux vous convaincre que je n'en use avec votre compagnie que comme une personne à qui vos intérêts tiennent fort au cœur, et qui exposerait sa vie pour vous servir tout, en ce que je croirais ne pas déplaire à Dieu. Ces secrets sont impénétrables, mais, comme je n'ai point du tout trempé dans cette affaire, Dieu m'est témoin que je ne voudrais pas non plus y avoir aucune part à l'avenir. Si l'on m'en impute la faute, ce n'est pas la première fois qu'on m'accuse sans que j'aie manqué, je sais seulement que, quand Dieu est content, toute chose se raccommode sans peine, et je ne croirai jamais que Jésus-Christ, après avoir choisi sa compagnie comme un moyen pour réparer et renouveler l'ordre de sa Sainte Mère, permettent que rien de considérable les divise, etc. Selon toutes les apparences, cet éclaircissement satisfit le provincial des jésuites, car Thérèse continua toujours d'être dans une grande liaison d'amitié avec tous les pères de cette compagnie. On le voit même par la lettre qu'elle écrivit à la duchesse d'Albe en ce temps-ci, et par une autre lettre au père Gratien. Durant tous ces jours de captivité qu'elle passa dans Tolède, elle fut exposée à toutes sortes d'épreuves, mais à son retour à Saint-Joseph d'Avila, les douleurs extérieures ne l'attaquèrent pas moins que les peines de l'esprit. Un jour qu'elle allait accomplir avec une lumière à la main, Après avoir monté l'escalier qui était devant l'entrée du chœur, elle demeura chancelante, et tournant quelques pas en arrière, elle tomba du haut de l'escalier jusqu'en bas. Le coup fut si rude, que les religieuses crurent la trouver morte. Elles accoururent avec beaucoup de promptitude et de trouble, et en la relevant, lui trouvèrent le bras gauche rompu. La douleur qu'endura Thérèse fut excessive, elle souffrit encore plus quand on vint à la pansée, car il se passa bien du temps avant qu'on eût trouvé quelques personnes assez adroites pour une telle opération. Lorsqu'elle arriva, le bras était déjà noué, la sainte ne laissa pas de se résoudre à faire remettre l'os à sa place. Elle comprenait les difficultés et les risques de cette opération dangereuse, mais son désir insatiable de souffrir l'encouragea de telle sorte qu'elle se remit entre les mains de l'opératrice. Après avoir ordonné à toutes les religieuses d'aller au chœur et d'y prier pour elle, ainsi elle demeura seule avec cette femme, et une autre femme qu'elle avait amenée. Ces deux femmes, qui ne manquaient pas de force, commencèrent alors à la prendre, et lui tirèrent le bras si violemment chacune de son côté, qu'elles firent faire un éclat à un os de l'épaule. Le bras demeura un peu moins noué qu'auparavant, mais Thérèse souffrit des douleurs insupportables. Durant tout ce temps, elle ne pensa, dit-elle, qu'à ce qu'avait souffert Jésus-Christ, lorsqu'on étendit ses bras sur la croix, et ne se plaignit pas davantage que si l'on eût fait cette opération à quelque autre personne. Quand les religieuses revinrent, elles la trouvèrent aussi tranquille que s'il ne lui était rien arrivé. Elle fut longtemps si incommodée et si travaillée de cet accident, qu'elle ne pouvait presque remuer le bras, et elle en demeura même estropiée, car le reste de sa vie, elle ne put s'en servir pour s'habiller, ni pour se mettre un voile sur la tête pendant ce long séjour que Thérèse fit à Tolède. Les maux et les peines qu'elle y souffrit l'avaient tellement dégagée de la vie présente, qu'elle ne respirait plus que pour le ciel. Ses dispositions de détachement la mirent en état de commencer son livre appelé communément le Château de l'âme. Le père Gratien, qui se trouvait avec elle dans le fort des persécutions, lui dit un jour la peine qu'il ressentait de voir que le livre qui contenait l'histoire de sa vie, où elle avait renfermé tant de lumière et tant d'instructions admirables pour l'oraison, se trouva comme supprimé depuis que l'Inquisition s'en était saisie. Il ajouta que, pour remédier à cette perte, elle n'avait qu'à composer un autre livre, où ne rapportant rien de ce qui la regardait, elle enseignerait la même doctrine, pour servir à instruire ses religieuses sur une matière qu'il importe si fort de bien savoir. La sainte fit sur elle un grand effort pour obéir, car alors elle était accablée de maux et d'afflictions qui ne laissaient guère de liberté à son esprit. Elle entreprit néanmoins ce travail, et déclare au commencement que jamais l'obéissance ne lui est paru si difficile et si pénible, que dans la composition de cet ouvrage, elle y traite avec méthode les différentes manières dont une âme peut être élevée jusqu'à la plus sublime contemplation des vérités éternelles, bannir de son esprit toutes les images sensibles, et s'abîmer dans le sein de la divinité même. Heureux celui qui peut entrer dans l'intelligence de ces mystères inconnus à la plupart des hommes. La sainte n'aurait eu garde de les exposer à leur examen et à leur critique, si le docteur Velasquez, son confesseur, ne l'eût encore obligé d'écrire sur un sujet si malaisé à bien éclaircir. Elle commença cet ouvrage la dernière année qu'elle fut à Tolède, et l'acheva la même année, dans son couvent d'Avila, après son retour. Ce fut en ce même temps qu'elle écrivit à l'évêque de Palence, dont elle cultivait le commerce, et ne pouvait oublier les grâces qu'elle en avait reçues durant qu'il avait été son évêque. Et l'on voit par les lettres qu'elle écrivit à la sœur de ce prélat, que leur liaison durait toujours. Pendant que Thérèse avait demeuré à Véa pour y établir un monastère de son ordre, Elle avait appris que le livre de sa vie était à l'Inquisition, par l'imprudence qu'avait eue la duchesse de Pastrane d'en envoyer à Madrid des copies. Elle sut par la suite qu'à ce tribunal on en faisait un examen très sérieux, et cela lui fit plaisir, parce qu'elle regardait la décision des examinateurs comme un moyen d'être en repos non seulement sur ce qu'il fallait penser de son ouvrage, mais des choses extraordinaires qu'elle y rapportait. Un peu avant que de quitter Tolède, elle eut occasion de rendre visite à l'archevêque, qui était préside de l'Inquisition, pour lui demander la liberté de fonder un monastère de ses religieuses à Madrid. Ce prélat, après avoir traité avec elle de la fondation dont il s'agissait, lui dit d'un air honnête et obligeant, qu'il était fort édifié d'apprendre les grandes grâces que Dieu lui avait faites, et qu'elle l'en devait beaucoup remercier, parce que tous les dons excellents viennent de lui. On nous a présenté, continua-t-il, à l'Inquisition, un certain livre qu'on vous attribue, je l'ai lu tout, entier, et plusieurs personnes très doctes l'ont lu aussi, nous n'y avons tout rien remarqué qu'on pût rependre, de sorte que, bien loin que ce livre ait fait à votre révérence aucun préjudice, je puis l'assurer qu'il lui fait honneur. Cela m'a donné même envie de m'offrir à vous pour être à l'avenir votre très humble chapelain, je vous prie donc d'agréer les offres de mon service, et de voir en quoi je puis m'employer pour vous et pour tout votre ordre. Le père Gratien, qui accompagnait la sainte, a rapporté ce discours de l'archevêque, qui était alors le cardinal Quiroga. Néanmoins ni Thérèse, ni ce religieux ne voulurent point presser le prélat de leur rendre ce livre, mais peu de temps après, la prieure de Madrid le supplia de remettre ce trésor entre les mains des disciples de sainte Thérèse, qui était morte un peu auparavant. L'archevêque en fit la proposition au conseil, qui, non seulement accorda volontiers que le livre fût rendu à l'ordre, mais voulut même contribuer à la dépense qui serait nécessaire pour l'imprimer. L'écrit que nous avons de sainte Thérèse sur la manière de visiter les monastères de religieuses fut composé en ce temps-là. C'est un ouvrage très excellent, très utile, et rempli d'une sagesse très éclairée. Elle y donne des avis sur le soin qu'il faut prendre de ces communautés monastiques par rapport au temporel et au spirituel. Elle fait ses premières instructions sur le règlement des choses extérieures, et dit que, dans les monastères fondés, comme dans ceux qui n'ont pas de revenus, il faut avoir une sérieuse attention au gouvernement judicieux du temporel. Elle veut qu'on examine soigneusement les livres de la dépense, qu'il ne s'en fasse aucune dans les maisons rentées, que par proportion aux revenus, pour n'y point contracter des dettes imprudentes, qu'elle regarde comme la source la plus commune et la plus dangereuse du relâchement, parce que la nécessité des religieuses les oblige de chercher des secours au dehors, et de recourir à leurs parents et à leurs amis, ce qu'on ne peut guère pratiquer sans en venir à des complaisances qui intéressent la régularité et à la retraite. Elle exige la même précaution des monastères pauvres, et veut que, dans leurs plus grands besoins, on s'y appuie sur une vive confiance en Dieu, qui ne leur manquera jamais. Et c'est sur ce principe qu'elle ordonne que dans ces maisons où l'on vit d'aumône, on ait autant de soins de bien nourrir les religieuses et de bien traiter les malades, que dans les maisons les plus richement établies. Ensuite elle vient au détail des règlements pour l'administration spirituelle. Son premier avis est de recommander aux supérieurs ou visiteurs de ménager si prudemment sa douceur et l'affection qu'il témoigne aux religieuses, qu'elle soit néanmoins bien persuadée de sa rigueur et de son inflexibilité pour les choses essentielles. Rien, dit-elle, n'est plus dangereux que de les trop laisser se reposer sur l'indulgence d'un supérieur qu'elle croit incapable de les contrister en rien. Lorsque la régularité n'est point intéressée, Elle veut qu'on ait une extrême condescendance pour les faiblesses inévitables à la fragilité naturelle, qu'on encourage les sœurs dans leur travail des mains, et qu'on en fasse même l'éloge aux autres, pour leur donner la consolation de voir que leur supérieur n'ignore pas leur application et leur peine. Elle prétend qu'on visite exactement la clôture et la retraite au-dedans, et que, dès que cette revue aura été faite, le visiteur sort aussitôt pour donner ses avis au parloir, sans s'arrêter inutilement dans l'intérieur du monastère. Elle défend le trop de commerce du confesseur ou du chapelain avec les religieuses, persuadée que leurs communications nécessaires se réduisent à des entretiens fort rares, et que de plus fréquents contribueraient à la dissipation des sœurs. Elle leur permet de dire librement et charitablement aux visiteurs tout ce qu'il leur paraît, dans leurs prières, mériter quelques avis pour le bon ordre de la maison, et recommande fort aux prieurs de ne s'en point offenser. Aussi, pour tenir les choses dans une subordination toujours égale, elle veut que le visiteur ne détermine rien en ces occasions qu'après avoir beaucoup examiné ce qu'on lui a dit. Elle parle fort contre les prédilections trop marquées d'une prieure pour quelques religieuses, sans néanmoins leur interdire de prendre confiance au conseil de celles de leurs sœurs qui leur paraissent plus prudentes et plus éclairées. Elle s'oppose fortement aux inclinations que quelques-unes des sœurs pourraient avoir de passer d'un couvent à un autre, et veut qu'on leur déclare dès le commencement qu'elles ne se doivent jamais attendre que cela leur soit accordé. C'est, dit-elle, ouvrir une porte aux démons pour tenter à tout moment les religieuses dans leur état, et leur en donner du dégoût. Si dans la suite quelques raisons importantes obligent à en faire aller quelqu'une dans une autre maison, elle ordonne qu'on se garde bien de lui laisser croire que c'est parce qu'elle l'a désiré. Elle recommande fort aux visiteurs de ne point souffrir qu'une prieure, par excès de zèle, impose à sa communauté des pratiques de surérogation qui chargeraient trop les religieuses, déjà suffisamment exercées par leurs règles. Elle s'arrête à la manière de réciter l'office, et veut que dans le chant ou la psalmodie on observe les pauses exactement, et un ton de voix conforme à la profession, et qui ressente la vie austère qu'elle mène. Elle enjoint à la supérieure de n'avoir jamais d'argent en dépôt, mais de le remettre entre les mains de la cellérière, suivant les constitutions, même dans les maisons qui vivent d'aumônes. Elle recommande fort aux visiteurs d'être d'un secret inviolable à l'égard de ce que chaque religieuse lui confiera, de ne point se rebuter de toutes les petites choses dont on lui fera le détail, afin que les religieuses soient bien convaincues qu'elles ont un supérieur vigilant qui examine tout, et s'attache à l'exactitude des observances. Cette réflexion, dit-elle, les tient dans le devoir, parce que la plupart des femmes sont naturellement timides et jalouses de leur honneur. Elle défend expressément de faire trop bonne chère aux visiteurs, qu'elle exhorte fort lui-même à ne le point souffrir. Il serait trop long de faire une analyse plus exacte de ce livre, il suffira d'ajouter qu'on en a si bien reconnu le mérite, que le père Alphonse de Jésus-Maria qui, dans la suite, fut élu général de la Réforme, y fit un avant-propos qu'il adresse aux religieuses déchaussées, pour leur en recommander la méditation et la lecture. Nous ne dirons rien des méditations sur le Pater, quoique l'ouvrage soit très édifiant et très bien écrit, mais plusieurs critiques ne l'attribuent pas à Sainte Thérèse, et en effet il est d'un style et d'un tour différent des autres. Il n'y a point d'ouvrage de notre sainte qui n'ait eu l'approbation du public. Sitôt que ses œuvres parurent, le tribunal de l'Inquisition les approuva par un décret authentique et très honorable. Le roi Philippe II, qui voulut en avoir les originaux en sa disposition, les fit mettre à sa bibliothèque de Saint-Laurent dans l'Escurial. Quoiqu'il y ait en ce lieu plusieurs autres écrits originaux de divers saints, Il y en eut trois auxquels ce prince voulut qu'on rendît un honneur particulier, qui sont les ouvrages de saint Augustin, de saint Chrysostome, et de sainte Thérèse, qu'il fit placer sous une grille de fer dans une riche armoire toujours fermée, et dont il portait la clé sur lui. Cependant les commissaires que le roi avait associés aux nonces pour juger avec lui les différends entre les carmes de l'une et l'autre observance, le firent un peu revenir de ses préventions. Il nomma pour supérieur de la réforme le père Ange de Salazar, très affectionné pour ce nouvel institut, et qui commença de rendre à Thérèse la liberté d'aller où elle voudrait. Elle avait reçu de Dieu intérieurement des assurances que la persécution finirait bientôt, et les réformés, dans une assemblée où ils délibérèrent sur ce qu'ils avaient à faire pour la conservation de leur ordre, ayant décidé qu'il fallait envoyer à Rome pour y soutenir leurs intérêts, ils prièrent Thérèse de choisir d'entre eux pour député celui qui lui paraîtrait le plus propre à cette négociation. Elle jeta les yeux sur le père Jean de Jésus Rocca, qui lui représenta beaucoup de difficultés pour éluder son choix, mais elle les aplanit toutes, et le fit résoudre à partir. Elle continua de vivre avec une tranquillité parfaite, jusqu'à ce que cette affaire fût tout à fait terminée, et l'on voit par une lettre qu'elle écrivit alors à son frère, que les persécutions ne lui ôtaient pas la liberté de son humeur. Enfin tout réussit à Rome et en Espagne à l'avantage des réformés, dont on reconnut l'innocence, on y fut persuadé de l'utilité que cette réforme apportait à l'Église, il fut réglé qu'ils auraient un provincial particulier, et que les mitigés n'auraient plus nulle inspection sur eux. Après que la paix eut été parfaitement rétablie dans l'ordre des Carmes, on nomma le père Gratien pour provincial de la Réforme, et ce fervent religieux n'oublia rien pour contribuer de tout son pouvoir à donner plus d'étendue aux nouveaux établissements commis à ses soins. Thérèse lui écrivit une belle lettre pour le féliciter sur l'affranchissement de toutes ses peines. Elle vit renaître avec plaisir les occasions de fonder d'autres monastères. Il y avait à Villeneuve-la-Xave, 9 demoiselles retirées ensemble depuis quelques années, qui vivaient dans une grande mortification, et souhaitaient fort d'être carmélites. On en avait écrit à la sainte, pour la prier de répondre à leurs désirs, et de venir faire un établissement de son ordre en ce lieu-là. Cette fondation lui parut assez difficile, et pour plusieurs raisons, elle ne pouvait s'assurer si ses filles avaient les qualités requises, elle n'avait pas de maison, ni même de quoi subsister, et d'ailleurs il ne lui paraissait pas aisé qu'un si grand nombre de personnes pussent s'accommoder à la manière de vivre des carmélites, ni qu'étant des filles accoutumées depuis longtemps à un genre de vie qu'elle s'était prescrite. Elles se soumissent volontiers dans un noviciat aux premiers éléments de la discipline religieuse. Cependant ses meilleurs amis lui conseillèrent cette fondation, et J.C. lui fit connaître, dans la prière, qu'elle ne devait pas la différer. Elle n'y apporta donc plus d'obstacles. Ainsi après avoir quitté Tolède, et passé quelque temps dans le couvent d'Avila, elle se mit en chemin avec trois ou quatre religieuses. Depuis qu'elle était sortie si honorablement des persécutions qu'elle avait souffertes, sa réputation avait encore reçu un nouveau lustre. Tous les peuples sur la route accouraient en foule pour la voir, et pour recevoir sa bénédiction. Ceux qui l'accompagnaient ne pouvaient empêcher la foule de l'accabler, particulièrement dans un lieu appelé Villeroblde, où la sainte elle a logé dans la maison d'une bonne femme. Il y vint tant de monde, qu'on fut obligé de mettre deux gardes à la porte, afin qu'elle pût dîner en repos. Cela ne fut pas même suffisant, car il y en eut qui montèrent par-dessus les murailles de la cour. Au sortir de cette bourgade, il se trouva tant de peuples assemblés, qu'au jour des plus grandes fêtes, et aux processions les plus solennelles, il n'y en eut pas eu davantage. Ils arrivèrent encore à un autre bourg où ils eurent la même peine, en sorte qu'il fallut en partir 3 heures avant le jour, car l'impétuosité de la foule lui paraissait moins supportable que le froid et l'obscurité de la nuit. Le bruit de sa venue courait d'un lieu à un autre avant qu'elle fût arrivée, et l'on se disputait à qui aurait l'honneur de la loger et de la traiter. Un riche laboureur, fort affectionné à l'ordre des Carmes, sachant que Sainte Thérèse devait passer par son village, fit accommoder sa maison, prépara un bon dîner, et réunit toute sa famille, qui était fort grande. Il fit assembler aussi ses troupeaux, afin que Thérèse pût aussi bien bénir les animaux que les hommes. Quand elle arriva à ce village, elle ne voulut ni ne put s'y arrêter, de sorte que ce bon laboureur sortit au dehors avec tout son train, pour avoir sa bénédiction qu'il n'avait pas eue dans son logis. Thérèse fut touchée de ce spectacle, et recommanda toute sa famille au Seigneur. Elle passa outre, et trouva sur son chemin un monastère de Carmes déchaussés, nommé Notre-Dame du Secours, où elle s'arrêta. Il avait été bâti dans un désert autrefois habité par la bienheureuse Catherine de Cardone, que ses éminentes vertus et sa naissance illustres ont rendu si célèbre en Espagne. Cette fervente solitaire avait renoncé depuis plusieurs années aux avantages de sa condition, aux emplois éclatants qu'elle avait eus à la cour, et s'était retirée dans une solitude à l'écart, où par inspiration divine elle avait dans la suite établi un couvent de Carmes déchaussés qu'elle avait fait venir de Pastrane. Il n'y avait que 3 ans qu'elle était morte, lorsque Thérèse passait par ce désert, et l'on y racontait encore avec admiration ses dons sublimes d'oraison et ses mortifications excessives qui réjouirent beaucoup la piété de notre sainte, et dont elle fait un détail bien édifiant dans le livre de ses fondations. Ainsi se serait ôté à l'histoire de Thérèse un épisode trop agréable et trop touchant, que de ne pas un peu s'étendre sur la vie de cette fameuse pénitente, qu'on peut appeler la première solitaire de l'Espagne. Ce que nous en dirons est attesté par des personnes qui ont vécu avec elle, et de qui l'ont appris les auteurs espagnols, d'où nous lirons ce que nous allons dire, outre ce que nous en apprenons de Sainte Thérèse, qui s'est beaucoup étendue à cette occasion, et nous donne lieu de rapporter, à son exemple, toutes les particularités merveilleuses dont elle paraît s'y toucher. D'ailleurs, le parfait attachement que cette grande solitaire parut avoir à la réforme des Carmélites et des Carmes, et ce qu'elle fit pour en augmenter les progrès et la gloire, mérite qu'on ne retranche rien de ce qui peut contribuer à la sienne. Catherine de Cardone naquit à Naples, en l'an 1514. Elle heurtait de l'illustre maison de ce nom établie en Catalogne, son père s'appelait Dom Raymond de Cardone, allié à la maison royale d'Aragon, on n'a point su le nom de sa mère, qu'on croit être une dame de Flandre, on sait seulement qu'elle était proche parente de la princesse de Salerne. Catherine ayant perdu son père à l'âge de 8 ans, quoique si jeune encore, fut inspirée de Dieu de passer sa vie à faire pénitence des péchés qu'il avait pu commettre, elle fut mise chez la princesse de Salerne, sa parente. Parce que les lois de la bienséance ne permettaient pas à sa mère de prendre soin de son éducation, à l'âge de 13 ans, un gentilhomme napolitain, touché de son mérite, qui consistait plus dans les qualités de son esprit que dans les grâces extérieures, la fit demander en mariage. On l'y fit consentir avec peine, mais au bout de quelque temps ce gentilhomme qui la devait épouser mourut, et elle se retira dans un couvent de capucines, où elle s'abandonna à toutes les rigueurs de la pénitence. Elle vivait fort retirée, passait beaucoup d'heures en oraison le jour et la nuit, et ne quittait point les livres spirituels. Le prince de Salerne ayant quitté le service de l'empereur Charles Quint pour passer à celui du roi de France, la princesse sa femme reçut depuis ordre de Philippe II de passer à Valladolid en Espagne. Avant que de partir, Elle pria fort Catherine de Cardonne de l'accompagner, elle n'y consentit pas d'abord, mais enfin la princesse lui fit de si vive instance, qu'elle ne put la refuser, quand on l'eut assurée qu'on la laisserait vivre selon ses désirs de retraite. La princesse étant arrivée à Valladolid, y forma une cour très brillante et très nombreuse. Elle avait beaucoup de beauté, aimait la magnificence, et savait s'attirer le respect et les hommages de tous ceux qui l'approchaient. Catherine l'accompagnait partout, et se trouvait toujours présente aux visites qu'elle recevait. Il venait souvent un certain religieux au palais de la princesse, nommé Casal, que sa noblesse et son esprit faisaient recevoir. La princesse ne se plaisait pas moins à l'entendre dans les conversations particulières, que dans les prédications, où il montrait beaucoup d'éloquence et d'agrément, mais Catherine ne goûtait ni ses talents ni ses maximes. Il mettait dans les affaires du salut tant de facilité et de plaisir, qu'il en bannissait les moindres violences, et il donnait à l'efficace des mérites de Jésus. Christ une étendue qui rendait dans l'homme toutes les bonnes œuvres et toutes les vertus inutiles. Catherine marquait toujours un visage sévère quand il était laissé principes, et la princesse, qui était plus habile dans les lois de la politesse que dans celles de la religion, reprenait quelquefois Catherine de combattre avec trop peu de complaisance les opinions d'un si grand docteur. Catherine lui représentait ce qu'il y avait de dangereux dans les discours de cet homme, mais ne la persuada pas d'abord. Un jour qu'il vint au palais, Catherine témoigna tant de chagrin de le voir, qu'il ne put s'empêcher de lui en demander la cause. Elle lui dit franchement que, dans son sermon sur la fête de Pâques, qu'elle avait entendu le matin, il avait dit beaucoup de choses indiscrètes. Elle s'échauffa même, si fort, que la princesse fut obligée de la prier de se taire, et de ménager davantage un si grand prédicateur qui plaisait à toute la cour. Quand il fut sorti, Catherine dit que cet homme était très indigne de sa réputation, et qu'elle espérait par la miséricorde de Dieu qu'il ne prêcherait plus. Cependant Casal avait averti le jour de Pâques qu'il prêcherait le samedi suivant, et il s'assembla ce jour-là pour l'entendre, une compagnie très nombreuse, tandis que les dames qui accompagnaient la princesse raillaient Catherine de sa prédiction. Le prédicateur vint proche de l'autel pour se mettre à genoux, pour se préparer à monter en chaire, et au même moment parut un officier de l'Inquisition, qui cria en milieu de rassemblée qu'on n'eut point à entendre le sermon du docteur Casal, parce qu'il le faisait prisonnier de la part du Saint-Office. Cet emprisonnement se fit en 1558, et l'année suivante Casal fut condamné à être brûlé. Peu de temps après, la princesse de Salerne mourut de chagrin de ce que le roi ne lui fit pas justice sur la conservation de ses biens, et ce prince, qui connaissait le mérite de Catherine, l'a remis entre les mains de son premier ministre, le prince Ruy Gomez, afin que la princesse d'Eboli, sa femme, pût jouir d'une si bonne compagnie. On lui donna le soin de l'éducation de Dom Carlos, fils de Philippe II, et de Dom Juan d'Autriche, fils naturel de l'empereur Charles Quint. Elle s'attira si bien l'amitié de ces deux princes, qu'ils la respectaient comme leur mère, et ne lui donnait jamais d'autre nom. La cour n'eut rien pour elle de contagieux, elle se conduisait par des principes si contraires aux fausses maximes qu'on y reçoit, et aux intrigues qu'on y ménage, que rien ne l'empêchait de continuer à vivre avec autant de retraite et de mortification qu'elle avait fait jusqu'alors. Elle ne se montrait en public qu'autant que l'exigeaient les fonctions de son emploi. Elle vivait aussi sobrement que si les nourritures les plus exquises lui eussent manqué, et pratiquait des exercices de pénitence très austères. Cependant, les facilités qu'elle se conservait pour vivre en solitude au milieu de la cour ne paraissaient pas suffire à son zèle, et elle se sentit inspirée de s'aller cacher dans le fond des déserts. afin de s'y pouvoir uniquement occuper à la contemplation des choses divines, et de satisfaire ses désirs de pénitence dont elle était si vivement touchée. Elle comprenait toute la difficulté de cette entreprise, et combien une conduite pareille était nouvelle en Espagne, mais ses pensées ne la quittant point, elle consulta quelques directeurs, qui n'osaient lui conseiller de suivre son inclination, et enfin elle s'adressa à deux autres, dont Saint-Pierre d'Alcantara était un, qui la fortifièrent dans ses sentiments, et l'exhortèrent à les mettre à exécution. Pendant que Catherine était agitée de ses pensées, le prince Ruy Gomez ayant acheté une grande terre, y voulut mener la princesse sa femme, et Catherine le pria qu'elle la pût accompagner. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu, un prêtre solitaire dans ces quartiers, vint pour parler au prince de quelques affaires. Catherine, qui connaissait le mérite de ce saint homme, lui déclara son dessein en particulier, et le pria de l'aider à l'accomplir. Ce prêtre fut étonné de voir dans une dame de condition des sentiments si rares, il lui offrit ses services, et lui promit de faire tout ce qu'elle voudrait. La veille de son départ, elle écrivit une belle lettre au prince et à la princesse d'Eboli, où elle leur mandait que, ne pouvant plus résister à l'inspiration divine qui la pressait de s'aller cacher au fond du désert, elle les conjurait par l'amitié qu'ils avaient eue pour elle, de la laisser désormais en repos, sans se mettre en peine de la chercher, parce que, quand même on la trouverait, on ne la ferait point retourner à la cour. Elle ajoutait qu'elle ne les oublierait pas dans ses prières, elle suppliait d'assurer les deux princes qu'elle se souviendrait toujours d'eux devant le Seigneur. Et ayant laissé cette lettre en un lieu où elle savait bien qu'on la trouverait le lendemain matin, elle sortit de nuit du château, et se rendit dans un endroit où le saint prêtre l'attendait avec un de ses amis. Ils lui coupèrent les cheveux, lui mirent un habit d'ermite, comme ils avaient entre-résolu, pour mieux déguiser son sexe, se chargèrent de plusieurs instruments de pénitence, qu'elle voulut emporter, et prirent le chemin de l'évêché de Cuenca. Ils furent d'abord trouver l'évêque, pour lui demander la permission d'habiter dans son diocèse, et après l'avoir obtenu, ils s'avancèrent vers la ville de La Roda. Lorsqu'ils furent sur une petite colline à un quart de lieue de la ville, « C'est ici, dit Catherine, où Dieu veut que j'établisse mes demeures, n'allons pas, je vous prie, plus avant. » Alors ses deux compagnons cherchèrent en cet endroit quelque retraite commode où elle pût se mettre à l'abri de la rigueur des saisons et des injures du temps. Ils découvrirent entre des halliers d'épines, difficiles à percer, un enfoncement fort creux, et plus propre à servir de tanière aux renards, que de cellule à un ermite. C'était une petite grotte si serrée et si basse, qu'il n'y avait pas assez de place pour y tenir une personne debout, et Catherine, qui était fort déliée, et d'une taille assez petite, avait de la peine à s'y cacher, parce que l'entrée en était fort étroite. Ils fermèrent l'ouverture de ce trou d'une clé de genêt qu'ils fabriquèrent, pour ôter aux yeux des passants la vue de cette habitation, et mettre à couvert l'ermite qui s'y devait renfermer. Cette grotte est à une demi-lieue d'un monastère appelé Fonte Sainte, que les religieux trinitaires avaient bâti quelques années auparavant au milieu de ce désert. Après que l'ermitage de Catherine eut été accommodé de la sorte, ses deux compagnons prirent congé d'elle, et lui ayant souhaité la persévérance dans sa vocation, avec une abondance de grâce du ciel, ils ne lui laissèrent pour tout bien de la terre, que trois pains qu'il lui avait apportés. Ce fut à quoi se réduisirent les provisions de cette grande dame nourrie auparavant à la cour, à la table du roi, dans le sein des richesses et des délices. Elle se trouvait néanmoins si contente de sa pauvreté, qu'il lui semblait n'avoir encore été libre et pleinement satisfaite que dans ce moment. Elle regardait les herbes de cette terre déserte, et les fruits des arbres sauvages, comme les aliments les plus délicieux à son goût. Le creux de son rocher lui paraissait plus agréable que les magnifiques appartements des palais où elle avait demeuré, et se voyant dépouillée de toutes les richesses périssables, elle sentait dans son cœur autant de complaisance que si elle eût été maîtresse de tout l'univers. Sainte Thérèse s'écrit en cet endroit, qu'elle devait être, Seigneur, l'amour dont brûlait pour vous cette âme héroïque, puisqu'il lui fallait oublier ainsi le soin de sa nourriture, les périls où elle s'exposait, et le hasard où elle mettait sa réputation lorsqu'on ne pourrait découvrir ce qu'elle serait devenue, qu'elle devait être cette sainte ivresse qui lui faisait ainsi renoncer à tous les biens, à tous les plaisirs et à tous les honneurs du monde, dans l'appréhension de rencontrer quelque obstacle qui l'empêchait de jouir sans cesse de la présence du divin époux. Catherine commença sa retraite en 1562, la même année que Thérèse commença la réforme de son ordre dans le couvent de Saint-Joseph d'Avila. On ne saurait exprimer la joie que goûta Catherine de se voir ainsi séparée de tous les objets sensibles, et en liberté de ne plus s'occuper que de Dieu. Elle n'eut point d'autre lit que la terre durant l'hiver, et durant l'été une grosse pierre lui servit de chevet, et son habit grossier fut sa seule couverture. Elle n'employa jamais autre chose pour se garantir des gelées, et se défendre des extrêmes ardeurs du soleil que la clé de genêt qu'on avait attachée à sa porte. Ses meubles étaient des cilices, des disciplines, des chaînes de fer, et d'autres semblables instruments. Son oratoire était un crucifix qu'elle avait apporté avec elle, et pour consacrer toute sa montagne, elle y planta des croix de bois en divers lieux, où elle allait faire de dévotes stations. Les dimanches et les fêtes, elle allait au couvent de Notre-Dame de Font-Saint entendre la messe, et recevoir les sacrements. Elle prit un père, de ce couvent pour son confesseur, sans lui découvrir son état ni sa vocation. Et elle avait coutume pour mieux déguiser son sexe de grossir sa voix quand elle parlait, et conserver dans l'église un grand silence, et une posture très recueillie. L'ermite fut bientôt remarqué des habitants de ces lieux, et des autres personnes qui venaient faire leur dévotion à Font-Sainte, parce qu'on n'avait jamais vu de solitaire semblable dans ce pays, où l'on n'en avait pas même entendu parler. Chacun avait les yeux attachés sur un objet si nouveau. Quand on lui faisait quelque question inutile ou curieuse, elle n'y répondait point, et si c'était quelque chose de nécessaire, sa réponse était courte et modeste. Lorsqu'elle voulait se retirer dans sa solitude, pour ne point donner à connaître le lieu de sa demeure, elle prenait tant de détours, qu'elle lassait enfin la curiosité de ceux qui l'observaient. Elle ne pouvait néanmoins se délivrer de leur importunité qu'avec bien des peines et bien des fatigues, parce qu'étant nu-pied, il lui fallait marcher en cheminant sur des ronces, sur des épines et sur des cailloux qui l'incommodaient beaucoup. Après qu'elle eut mangé les trois pains que ses conducteurs lui avaient laissés, elle choisit pour sa nourriture les herbes crues de la campagne, et se condamna même à paître sur la terre comme ferait une brebis, sans céder de ses mains. Elle a depuis avoué que cette nourriture avait pour elle un goût plus agréable que tout ce qu'elle avait mangé de meilleur à la table du roi d'Espagne. Elle continua cette même manière de vivre durant les trois années qu'elle fut inconnue dans sa solitude. Il lui prit souvent des défaillances où ses longues abstinences la réduisaient, mais elle en fut toujours miraculeusement guérie. Elle s'était accoutumée à ne prendre qu'une heure de sommeil, et dans ses plus grands affaiblissements ne se permettait qu'une demi-heure de plus. Tout le temps qu'elle avait été employée à la prière, soit à réciter les psaumes, soit à l'oraison mentale, où Dieu lui faisait des grâces extraordinaires, ses macérations et ses disciplines allaient au-delà de ce qu'on peut imaginer, et l'ardeur de la pénitence ne put jamais être en nulle autre personne aussi violente qu'en Catherine. Elle prenait un extrême plaisir à contempler les créatures, et trouvait dans l'ordre de l'univers une harmonie qui la charmait, Elle s'affligeait néanmoins quelquefois que le péché eût renversé un si bel ordre, et qu'un seul homme fût capable de tout déranger dans les lois générales du monde. Pendant la nuit, et lorsque rien ne troublait la sérénité de l'air, elle se mettait ou à la porte de sa grotte, ou sur la pointe de quelque colline, pour considérer le mouvement des cieux, et pour admirer la lumière des astres. Elle sentait une vive joie durant le silence de ces nuits tranquilles, à voir tous les éléments dans le calme, tous les animaux de la terre dans une profonde paix, et tout le monde dans le repos. Les bêtes les plus sauvages s'apprivoisaient autour d'elle, et les insectes les plus dangereux rampaient aux environs de sa grotte sans l'offenser. Après que Catherine eut passé de la sorte 3 années, inconnue aux hommes, Dieu permit qu'un berger, homme de bien et très simple, la rencontra par hasard un jour qu'elle cueillait des herbes et qu'elle arrachait des racines pour sa nourriture, assez près de sa grotte. Il s'approcha d'elle sans qu'elle l'aperçût, et vint si près qu'elle vit bien qu'il était inutile de prétendre s'échapper en prenant la fuite. Ce berger la salua à sa façon rustique, et l'abordant lui tint ce langage, « Mon frère l'ermite, tous ceux de ce pays souhaitent fort de vous connaître, et je sais que les habitants de notre village et des environs de cette montagne ont une grande envie de vous voir, ils vous ont considéré dans l'église de Fonte-Sainte, et vous ont remarqué si retiré, si ami du silence, si caché dans votre capuche, que vous leur êtes un sujet d'admiration. Je vous assure qu'ils seraient ravis de converser avec vous, et de vous rendre tous les services possibles. Nous avons tâché jusqu'à présent de découvrir le lieu de votre retraite, sans que personne l'ait pu savoir, et tout le monde souhaite d'apprendre où vous demeurez, mais, puisque Dieu m'a fait la grâce de vous rencontrer, vous me direz, s'il vous plaît, le lieu de votre ermitage, car je veux vous apporter tous les jours la moitié de ce qui me sera donné pour manger au champ. Si je porte cette bonne nouvelle à mon maître, il ne manquera pas de vous pourvoir de toutes les choses dont vous avez besoin, car c'est un bon homme qui souhaite fort de vous connaître, mais, pour commencer dès aujourd'hui à vous rendre service, tenez, voilà un morceau de mon pain, que je vous donne de bon cœur pour l'amour de Dieu. Jetez là vos herbes, et les laissez pour les bêtes, demain je vous apporterai davantage de ma portion. » La solitaire fut très affligée de cette aventure, parce qu'elle craignit que sa grotte ne fût découverte. Elle remercia néanmoins honnêtement le berger, prit le pain qu'il lui offrait, et, sans lui vouloir dire sa demeure, le quitta en prenant des détours fort écartés afin qu'il ne pût rien découvrir. Lorsqu'elle fut rentrée chez elle, la faim qui la pressait l'obligea de goûter à ce pain, mais comme il était fort grossier, le non-usage où elle était depuis si longtemps de manger des choses solides avait rendu ses gencives si tendres et si délicates qu'elle souffrit beaucoup en mangeant ce pain. Cependant le berger, qui n'avait pu savoir de l'ermite l'endroit où il demeurait, comprit néanmoins que ce ne devait pas être bien loin du lieu où il l'avait rencontré. Il y vint donc le lendemain, et, après avoir soigneusement observé tous les lieux où il passait, il s'aperçut que vers une petite élévation de la montagne, l'herbe était un peu plus foulée qu'ailleurs, il se laissa conduire à ses traces, et vint droit à un passage qui était au milieu de plusieurs buissons d'épines, et fermé d'un fagot de bois seconde, il s'approcha, et trouva que c'était une grotte pratiquée dans cette montagne. Il essaya par curiosité de l'ouvrir. Ce fagot, qui servait de porte, était attaché par le haut et par le bas avec des cordes faites de genêts, et par-dedans il y avait une corde qui servait à l'ermite pour se renfermer. Il ne fallait pas de grands efforts pour rompre de telles barrières, mais le berger, jugeant que l'ermite était alors dans sa retraite, ne voulut pas l'interrompre durant ses prières. En bout de quelque temps il le conjura, « comme saint Antoine avait fait à saint Paul autrefois, de lui ouvrir sa cabane. L'ermite lui refusa d'abord, mais enfin se laissa vaincre, et lui donna entrée dans sa grotte. Le berger fut extrêmement satisfait de cette découverte, et lui marqua la joie qu'il allait donner à son maître, en lui portant cette bonne nouvelle. L'ermite pria instamment le berger de le laisser en repos, et de ne dire à personne le lieu de sa demeure, mais cet homme lui dit qu'il avait promis à son maître de la lui apprendre, et que tout ce qu'il pouvait faire était de n'en parler à nul autre. Cependant tout le monde le sut bientôt. Il venait à sa grotte une affluence de peuple, qui s'en retournait pénétré de dévotion, après avoir été les témoins de la vie pénitente et austère de notre ermite. On le regardait comme un homme, cependant quelques bergers soupçonnaient que c'était une femme, et crurent, à quelques réponses de l'ermite, se devoir confirmer dans leur opinion. Ils en parlèrent à quelques prêtres, que leur curiosité conduisit dans la grotte de l'ermite, lorsqu'il en était absent. Après avoir bien cherché, ils trouvèrent des lettres de Don Juan d'Autriche, qui donnait à Catherine le nom de mère. Ce prince, qu'elle avait toujours affectionné beaucoup plus que Don Carlos, était en commerce de lettres avec elle, par l'entremise de l'ecclésiastique qui l'avait conduite au désert, et se trouvait parfaitement bien des avis que Catherine continuait de lui donner. Les prêtres, s'étant éclaircis de leurs soupçons, publièrent partout cette nouvelle, qui, non seulement fit respecter davantage le mérite de la solitaire, mais fit connaître encore que c'était une personne de première distinction. Il ne manquait plus que de savoir comment elle se nommait, mais un religieux trinitaire de Fonte-Sainte, qui vint un jour pour la voir, ne l'ayant pas rencontrée, trouva dans sa grotte une paire d'heures où il y avait écrit au dernier feuillet « La princesse d'Eboli a donné 16 heures à Catherine de Cardone ». Ce père tint la chose secrète, et l'on ne nomma plus l'ermite autrement que la bonne femme. Le concours des peuples augmentait toujours, en sorte que Catherine, qui s'en trouvait incommodée, quoique sa charité la portât à les secourir, songea sérieusement à choisir une autre demeure. Elle eut d'abord le dessein de se faire religieuse, mais elle trouva beaucoup de difficultés à cette entreprise. Comme elle voulait laisser sa grotte à quelqu'un, elle pensait à en faire présente aux religieux de Saint-François, mais ayant été avertie par un laboureur qu'il y avait des carmes déchaussés à Pastrane, qui menaient une vie extrêmement austère et retirée, elle goûta fort tout ce qu'elle entendit dire de cette nouvelle réforme, et, voyant bien que Dieu voulait qu'elle se manifestât au monde, après avoir passé 8 années dans sa solitude, elle résolut d'aller à Pastrane, où elle espérait recevoir, pour ses desseins, beaucoup d'assistance du prince d'Eboli, qui l'avait toujours extrêmement considérée. Elle écrivit à ce prince, qui lui envoya le père Marian pour la faire venir à Pastrane, où elle fut reçue avec toute la joie qu'on se peut imaginer. Le père Marian lui avait appris sur la route le mérite de Sainte Thérèse, elle fut voir les Carmélites dès qu'elle fut arrivée, son entretien grossier surprit tous ceux qui avaient su combien de politesse elle avait eue autrefois dans le monde. Mais l'habitude de sa vie érémitique avait fait évanouir tous ses agréments. La mère prieure, qui savait son dessein de se faire religieuse, la pria fort de choisir le couvent de Pastrane pour sa retraite, mais elle répondit qu'elle était indigne d'un tel honneur, et ce qu'il y a de plus vrai, c'est qu'elle trouvait encore dans l'habillement et dans la coiffure d'une religieuse trop d'ajustement, ainsi voulant conserver son capuche, où elle se tenait cachée, elle prit l'habit des pères Carmes, qu'elle porta jusqu'à la mort. Le bruit des aventures de Catherine s'étant répandu à la cour, la princesse Jeanne lui envoya ordre de la venir trouver à Madrid, où ces exemples édifièrent beaucoup les courtisans qui se souvenaient de l'éclat de son mérite, elle parut, dit sainte Thérèse, avec beaucoup de répugnance à la cour, qu'elle avait quittée avec tant de joie. Sa conversation était devenue fort simple, mais ne laissait pas de plaire. Elle fut néanmoins réprimandée par le nonce, qui lui voulut faire quitter son habit d'homme et son capuche, mais enfin persuadée de la simplicité de ses intentions, il la laissa faire. De Madrid Catherine vint à Tolède, et se retira quelques jours dans le couvent des Carmélites, et c'est par ce moyen que sainte Thérèse, y venant depuis, apprit de la vie de cette sainte toutes les merveilles qu'elle en a rapportées dans le livre de ses fondations. Catherine, au bout de quelques jours, retourna à Madrid pour y solliciter les patents de la fondation qu'elle voulait faire à sa grotte, d'un couvent de Carmes déchaussés. Elle vit souvent Don Juan d'Autriche, et lui prédit la victoire de Lépante sur les Turcs. Elle remporta de Madrid non seulement les expéditions nécessaires, mais beaucoup d'aumônes pour son nouvel établissement. Le couvent des Carmes fut bâti à l'endroit de sa grotte, où est l'église de ses religieux, et l'on fit une nouvelle demeure à Catherine, avec une communication souterraine pour venir à l'église. Elle passait dans cette nouvelle grotte, dit sainte Thérèse, la plus grande partie du jour et de la nuit pendant les 5 ans qu'elle vécut encore, et l'on a regardé comme une chose surnaturelle, que des mortifications aussi excessives que les siennes, n'aient pas plutôt fini ses jours. Les Carmes de ce monastère nouveau vivaient dans des austérités prodigieuses, et l'on n'a rien rapporté des solitaires de la Thébaïde, qui n'aient été pratiqués parmi eux. Catherine leur rendait tous les services qu'elle pouvait, les assistait dans leurs maladies, les fortifiait par ses discours, les encourageait par ses exemples, et répandait sur le prochain tous les secours de sa charité. Enfin, après avoir pratiqué des austérités inouïes pendant les 13 ou 14 années de sa retraite, et reçu de Dieu les dons les plus sublimes de l'oraison, le vendredi saint de l'année 1577. Comme les religieux chantaient la passion dans le cœur de leur église, elle sentit une si violente douleur, en méditant sur le crucifiement de Jésus-Christ, qu'elle tomba dans une telle faiblesse, qu'on crut qu'elle ne passerait pas le samedi saint. Néanmoins elle se trouva un peu mieux ce jour-là, et, avant repris courage, elle rappela ses forces pour se mettre en état de recevoir le lendemain, jour de la solennité de Pâques, les religieux qui devaient venir en procession à sa grotte. Mais son mal la reprit le matin, et les Carmes la firent porter dans un endroit plus proche de leur couvent, où ils étaient plus à portée de la secourir. Ce n'était pas un lieu fort commode, mais il l'était toujours plus que sa caverne. Ses pères mirent auprès d'elle deux femmes dévotes pour lui rendre tous les services dont elle avait besoin, et ne cessèrent de l'exhorter dans ses derniers moments. Elle reçut leur assistance avec beaucoup d'actions de grâce, leur parla elle-même de Dieu dans les sentiments les plus remplis de douleur de ses péchés et du désir qu'elle avait de voir Jésus-Christ, et mourut de la sorte le 11e de mai 1577. Les Carmes de ce monastère, où nous avons vu auparavant arriver Thérèse, vinrent en procession au devant de leurs prieurs qui accompagnaient la sainte. Leur contenance modeste, leur profond recueillement et leur voix mortifiée, qui chantait le Te Deum, touchèrent sensiblement notre sainte. Je ne vis rien en ce lieu, dit elle, qui ne m'édifia extrêmement. Mais ma consolation était mêlée d'une confusion qui me dure encore, quand je pense que celle qui a passé sa vie dans une pénitence si rude, était fille comme moi, plus délicatement élevée à cause de sa condition, moins pécheresse sans comparaison que je ne suis, moins prévenue des faveurs que le Seigneur m'a faites en tant de manières, dont une des plus grandes et des plus touchantes, et de ne m'avoir pas précipité dans l'enfer que j'avais mérité par mes péchés. Elle quitta ce désert toute remplie de l'idée des vertus qu'on y pratiquait, et se rendit à Villeneuve, où elle fut reçue solennellement. Les 9 demoiselles, qui depuis longtemps l'attendaient, furent ravies de joie son arrivée. Elle examina leurs esprits, elle admira leur ferveur, dont elle faisait, dit-elle, plus d'estime que des revenus les plus considérables, et les perfectionna beaucoup par ses instructions. Thérèse, loin de trouver dans cette ville des oppositions à son dessein, n'y reçut que des acclamations publiques. Le monastère fut fondé sous le litre de Sainte-Anne. Les 9 demoiselles y prirent l'habit, et, après que la sainte eut fait en ce lieu un séjour de 2 mois, elle en partit pour Tolède, où sa présence était nécessaire. Pendant qu'elle y était, on donna l'évêché de Palence à l'évêque d'Avila. Thérèse, qui depuis longtemps souhaitait de voir sous l'obéissance de l'ordre le monastère Saint-Joseph d'Avila, prit cette occasion pour l'y mettre, et ayant su la translation de cet évêque, avant qu'il partît pour Palence, elle traita de cette affaire avec les religieuses. Ainsi cela se fit avec le consentement de toutes les personnes intéressées. L'évêque, par inclination pour sa réforme, n'était pas d'abord de cet avis, mais elle le détermina par ses raisons, et elle lui écrivit ensuite sur cela une lettre bien prudente. Ce prélat, qui connaissait le mérite de la sainte mieux que personne, et l'utilité des couvents qu'elle fondait, voulut en avoir un aussi dans son diocèse, et il avait invité la sainte à le venir établir. Comme elle passait par Valladolid pour se rendre à Palence, elle y fut surprise par une paralysie si dangereuse, et par des maux de cœur si violents, qu'elle se crut proche de sa mort, de sorte qu'elle fut obligée de s'arrêter pendant 1 mois. Sans que la force et la vigueur de son courage pussent surmonter la faiblesse de la nature, qui se trouvait trop attaquée par le mal. Durant ce séjour à Valladolid, elle reçut des lettres de la prieure de Villeneuve de Laxave, qui lui mandait que son couvent souffrait beaucoup de misère, et qu'elle avait peine à se résoudre à faire profession à 9 demoiselles qui n'apportaient presque rien à la religion. Thérèse fit réponse qu'on se gardât bien d'en renvoyer une seule, et qu'il fallait prendre confiance en Dieu pour l'avenir. Les suites firent voir qu'elle en avait bien jugé, car Dieu fit plusieurs miracles pour secourir ses religieuses. L'année qui précéda cette fondation avait été stérile en cette contrée, et l'on y était par conséquent dans une fort grande nécessité. Les religieuses, pour provision de leur année, n'avaient en tout qu'environ 9 boisseaux de farine, sans argent pour en acheter d'autres, et sans crédit pour en emprunter. La prieure s'était donné beaucoup de peine pour faire venir quelques aumônes au monastère, et n'avait reçu que 2 réals, mais, pleine de la confiance en Dieu que la sainte lui avait inspirée, elle fit distribuer la farine qui était dans sa maison, où 17 personnes s'en nourrirent pendant 6 mois sans qu'elle leur manquât jusqu'au nouveau blé. Pendant le cours d'une maladie universelle que répandit la misère en tous ces quartiers, les religieuses en furent attaquées comme les autres, et ne trouvant point à vendre leurs ouvrages, se virent bien embarrassées. Mais Dieu permit qu'un poirier de leur enclos fût chargé d'une si grande quantité de fruits, qu'elles en cueillaient tous les jours des poires autant qu'il en fallait pour le couvent, les accommodant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Elles en vendirent même dans la ville, et cette abondance dura 2 mois, autant que les maladies. Les incommodités que la sainte souffrit dans Valladolid ne l'empêchèrent pas de travailler à l'explication du cantique de Salomon. Nous n'avons plus qu'un fragment de l'ouvrage sur ce livre plein de mystères. Elle l'avait commencé par obéissance à son confesseur, et le supprima par soumission à un autre, qui ne fit pas paraître beaucoup de prudence, en exigeant d'elle ce sacrifice, car ce qui nous en reste nous oblige de penser ainsi. Quand Thérèse quitta cette ville, elle n'était pas encore bien guérie, elle en partit néanmoins pour Palence, où elle arriva le lendemain des Innocents. La maison avait déjà été préparée par un chanoine de ses amis qu'elle en avait prié. Le monastère fut érigé le jour suivant, sous le nom de Saint-Joseph. L'évêque, plein de joie à la vue de cet établissement, fit la consécration de l'église, il y répandit beaucoup d'aumônes, et toute la ville généralement parut se réjouir de cette fondation. L'esprit de ces peuples plaisait fort à Thérèse, et de jour en jour ce monastère lui donnait une satisfaction nouvelle. Durant le séjour qu'elle y fit, elle écrivit une lettre fort sensée au père Gratien, sur quelques particularités qui regardaient la police de ces monastères. Une nuit que la sainte écrivait dans sa cellule, on ne sait pas quoi, elle fut tout à coup si dégagée des sens, qu'une religieuse y entra sans qu'elle l'entendît. Cette sœur s'assit auprès d'elle, et la considérait attentivement avec une extrême surprise. La sainte de temps en temps posait sa plume, et interrompait ce qu'elle écrivait par de profonds soupirs qui lui échappaient. Ses yeux paraissaient si pleins de feu, et son visage si éclatant, que la religieuse en lui touchait d'une vive crainte, car il y avait dans son extérieur une majesté qui représentait les divines opérations qu'elle éprouvait. La religieuse sortit sans être aperçue, peut-être travaillait-elle alors à ses méditations après la communion, qu'on appelle en espagnol exclamation, du moins c'est dans cette année qu'elle les composa. Jamais l'amour ne s'est exprimé par des termes si pleins de force, et avec des transports si violents, que dans cet écrit, les hommes ne sauraient parler un tel langage, et le Dieu qui l'animait fut sans doute l'auteur de ce style ardent et sublime. Il serait bien difficile de lire un tel ouvrage sans être vivement touché, bien des gens l'ont reconnu par expérience, et ont été convertis par cette lecture. Avant que la sainte quittât Palence, elle reçut des lettres de l'évêque d'Osme, qui la priait d'aller fonder un monastère à Sori. Une dame riche et sans enfants souhaitait avec ardeur cet établissement. Ce diocèse avait pour évêque le docteur Velasquez, qui, du temps qu'il était chanoine à Tolède, avait confessé Thérèse pendant le long séjour qu'elle y avait fait, et elle lui avait trop d'obligations pour le refuser. Elle prit donc avec elle six religieuses, et se fit encore accompagner de quelques pères réformés. Lorsqu'elle fut arrivée à Sori, les religieuses, sans nuls obstacles, furent mises dans une grande maison qu'on leur avait destinée. On célébra la première messe le 14 juin 1581, et ce lieu fut nommé le monastère de la Trinité. Après que Thérèse eut resté quelque temps dans cette ville, elle en partit pour revenir à Avila avec sa fidèle compagne, la sœur Anne de Saint-Barthélemy, si célèbre par son esprit et par ses vertus, qui n'ont pas moins éclairé la France que l'Espagne. La sainte fut fort incommodée sur la route par ses diverses maladies et par les difficultés des chemins. Dès qu'elle fut arrivée, le père provincial vint la voir, et les religieuses de Saint-Joseph le conjurèrent instamment de leur donner Thérèse pour prieur. Elle était si fatiguée de tous ses voyages, qu'elle ne se trouvait guère en état de les continuer, et le séjour de son premier monastère lui convenait mieux que tout autre. La religieuse qui était alors prieure lui céda volontiers sa place, car elles avaient l'expérience que partout où elle était il n'y manquait rien. Dès que Thérèse fut prieure, elle prit soin de rétablir dans ce monastère la discipline qui s'y trouvait beaucoup affaiblie par la dépendance où les avait mises leur pauvreté, et les complaisances qu'elles avaient eues pour les gens du monde. Mais Thérèse pourvut à tout, et prit également soin de la nourriture des corps et des âmes. Il n'y avait pas 3 mois qu'elle était en charge, lorsque le père Jean de la Croix lui amena des voitures pour la conduire à Grenade, afin d'y faire une fondation depuis longtemps projetée. La sainte se trouva trop affaiblie pour y aller, et elle y envoya 4 religieuses, dont elle en nomma une pour être prieure. Une dame de distinction, à la prière de qui cet établissement se formait, les reçut honorablement, les enrichit de ses bienfaits, et mit cette fondation en bon état. Cependant, depuis 6 ans, quelques pères illustres de la Compagnie de Jésus invitaient Thérèse à faire un établissement de Carmélite à Burgos. L'archevêque en avait déjà donné la permission, à la prière de l'évêque de Palence, son ami, mais il avait averti que, si l'on voulait établir ce monastère sans revenu, il fallait avoir la permission des magistrats de la ville. Une dame qui s'intéressait beaucoup à cet établissement, lui écrivit que cette permission était obtenue, et qu'on lui serait obligé de partir le plus tôt qu'elle pourrait. Quelque envie qu'elle en eût, cela lui parut assez difficile à cause de l'accablement où elle était réduite. La rigueur de l'hiver ne convenait guère à ses maladies, qui lui faisaient craindre le froid, auquel elle était fort sensible, et qui se faisait toujours sentir à Burgos beaucoup plus qu'ailleurs. De sorte qu'elle eût bien voulu donner la conduite de cette affaire à la prieure de Palence, fille de condition, et d'une éminente vertu, mais Jésus-Christ lui fit entendre dans la prière, qu'elle ne devait pas s'effrayer, et qu'il était la véritable chaleur. Nous avons pu remarquer plusieurs fois, dans le cours de cette histoire, qu'elle eut souvent de ces inspirations claires et décisives, qu'on appelle, dans le langage de la théologie spirituelle, des voix intérieures. Tant il y a de certitude dans leur impression, mais jamais Thérèse ne se régla sur tout ce qu'elle entendit de la sorte. Quand ses confesseurs lui ordonnaient de faire autrement, elle leur obéissait sans résistance. Après leur avoir déclaré ce qui se passait dans son âme, elle reçut encore une seconde lettre de cette dame, qui la pressait de partir, ainsi le lendemain de la circoncision, en l'année 1582, elle se mit en chemin avec 3 religieuses qu'elle prit d'Avila, 5 autres qu'elle devait prendre à Palence, et 3 pères carmes, dont le provincial en était un, parce qu'il voulait visiter le couvent de Sori, qu'il n'avait pas encore vu depuis son établissement, mais plutôt, parce que me croyant, dit-elle, encore bonne à quelque chose, et me voyant vieille et infirme, il voulait prendre soin de ma santé dans une saison si rigoureuse. Thérèse approchait de la mort, et Dieu qui voulait couronner une si belle vie par le triomphe de ses souffrances, lui en préparait de nouvelles. Elle s'en douta bien par le renouvellement de courage qu'elle se sentit, car cela ne manquait jamais de lui arriver quand la Providence lui destinait quelque nouveau sujet de peine. Dès les premiers jours du voyage, les pluies, les neiges, et toutes les incommodités de l'hiver vinrent refondre sur cette petite troupe. Thérèse fut fort tourmentée par sa paralysie. Elle passa par Médine, et de là fut à Valladolid, où son mal augmenta si considérablement, que les médecins lui persuadèrent d'en partir au plus tôt, parce que si elle différait, elle n'aurait plus la force de le faire. Elle se hâta donc d'aller à Palence, où il vint au-devant d'elle une si grande quantité de peuple, qu'à peine pouvait-elle descendre de son chariot. Les religieuses la reçurent en chantant le Te Deum. Elles avaient même tapissé leur cloître, et elles la prièrent instamment de passer dans leur monastère quelques jours. Il semblait même à propos de le faire, à cause des pluies qui continuaient, et les chemins étaient tellement inondés, qu'on aurait dû plutôt prendre des bateaux que des chariots pour y passer. La sainte insistait toujours pour son départ, mais, afin de ne rien faire imprudemment, elle envoya reconnaître les chemins par un homme, qui rapporta qu'ils étaient impraticables. Thérèse fit réflexion sur son rapport, et dans le même temps Jésus-Christ lui dit intérieurement de ne rien craindre, et qu'il serait avec elle. Cette parole la fit résoudre à partir, Ce n'était point du tout le sentiment de ses amis, qui ne pouvaient approuver la témérité de son entreprise. On eut beau lui représenter toutes sortes de raisons, elle conjura ses compagnes d'avoir pour elle cette complaisance, et Dieu fut fidèle à sa parole. Un religieux de sa réforme qui l'accompagnait à ce voyage, lui parlant, sur les chemins de la réputation qu'elle avait d'être sainte, elle lui fit cette réponse, « On a dit de moi trois choses, que j'étais assez bien faite, que j'avais de l'esprit, et que j'étais sainte. J'ai cru les deux premières durant quelque temps, et je me suis confessé d'une vanité si pitoyable, mais pour la troisième, je n'ai jamais été assez folle pour me la persuader un moment. Le jour qu'elles sortirent de Palence, leur chariot enfonçait si avant dans les boues, qu'il fallait prendre les chevaux de l'un pour les atteler à l'autre. Les pères Carmes travaillaient de toute leur force, et avaient beaucoup de peine, parce qu'elles n'avaient que des jeunes charretiers, peu soigneux. La présence du père provincial encourageait beaucoup Thérèse, qu'il soulageait de son mieux. Ses soins s'étendaient à tout, et son esprit égal et tranquille ne s'inquiétait de rien. Elles arrivèrent le soir à une hôtellerie si pauvre et si dépourvue, qu'on n'y trouva pas même un lit pour la sainte, quoique, dans l'état où elle était, elle eut assez besoin de ce petit soulagement. On lui annonçait de si mauvaises nouvelles du chemin qui restait à faire jusqu'à Burgos, qu'il semblait être de la prudence de s'arrêter en ce lieu-là, tout incommode qu'il fût, mais Thérèse, rassurée par Jésus-Christ, encouragea sa troupe à continuer le voyage, et l'on prit un guide pour les conduire. L'eau était répandue sur toute la campagne, on ne voyait dans une grande étendue de pays que le ciel et l'eau, et pour arriver à Burgos il fallait passer sur des ponts que l'inondation couvrait d'un pied, et qui avaient si peu de largeur, que pour peu que les chariots vinssent à s'écarter, il serait tombé dans la rivière. Lorsqu'on fut proche de ces ponts, le péril parut tel qu'il était. Le père Gratien, provincial, quelque courage qu'il eut, lorsqu'il se vit au milieu de l'eau, sans savoir le chemin qu'on devait prendre, et sans le secours d'aucun bateau, ne laissa pas d'appréhender, et la sainte elle-même, quelque assurance que Jésus-Christ lui eût donnée, ne fut pas exemple de frayeur. On peut juger en quel état étaient ses compagnes. Toutes se confessèrent, et la sainte les embrassa tendrement avec les paroles les plus héroïques et les plus touchantes. Après qu'elles eurent récité le symbole de la foi, Thérèse, sans être nullement troublée, mais d'un visage où régnait la paix, les exhorta de la sorte, « Quel plus grand bonheur, mes filles, vous pourrait-il arriver que de mourir en cette occasion, et par ce genre de martyr, pour la gloire de Dieu? Mais attendez, je vais passer la première, si je suis submergé, je vous conjure instamment, retournez à l'hôtellerie. » À ces mots elle s'avance d'un pas ferme, et comme si les eaux eussent respecté la grandeur de sa foi, elle passa sans nul accident. Quand elle fut à l'autre bord, quoique sa paralysie lui embarrassât la langue, elle la fit parler avec peine, elle se fit entendre du mieux qu'elle put à sa troupe pour l'encourager. Ils avaient tous été si frappés de sa résolution hardie, que personne ne balança plus à la suivre, et leur confiance ne fut point trompée. Enfin, après tant de traverses et de périls, elles arrivèrent à Burgos ce même jour 25 de janvier, et la sainte, avant que de songer à se reposer, voulut aller se prosterner devant le crucifix célèbre et miraculeux, que l'on garde avec tant de vénération dans cette ville. « Je vous avoue, dit-elle, en faisant le récit de cette aventure, que je ne suis jamais si contente que quand ces établissements se font après beaucoup d'obstacles et de peines, et ce sont ceux que je vous raconte le plus volontiers. » Avant que de se coucher, elle s'était tenue assise auprès du feu plus qu'à l'ordinaire, parce que ses habits étaient fort mouillés, Et la nuit suivante elle fut si tourmentée par ses vomissements et par les ulcères qui la piquaient dans la gorge, qu'elle en jeta beaucoup de sang par la bouche. Le lendemain, comme elle ne pouvait se lever, on approcha son lit d'une fenêtre, d'où elle rendit des réponses et régla beaucoup d'affaires. La ville lui députa quelques principaux citoyens pour lui venir faire compliment, et elle les reçut avec sa politesse accoutumée. Le provincial, sans perdre de temps, alla trouver l'archevêque, qui refusa la permission, et allégua pour raison, que, quand il avait proposé cet établissement à Thérèse, il n'avait pas prétendu qu'elle l'entreprît si promptement, mais seulement la faire venir sur les lieux pour y examiner tant de choses. Peut-être ce prélat ignorait-il les lettres réitérées et pressantes qu'elle avait reçues. Thérèse, au bout de quelques jours, alla elle-même lui rendre visite, mais elle n'en put rien obtenir, quoiqu'il l'affectionnât fort, et il voulut qu'on différât. La sainte, qui tâchait de se conserver avec ses filles dans une grande retraite, allait avec elle de grand matin à l'église les jours de fête seulement, et fort incommodée des bouées des eaux qui étaient en abondance dans la ville. Un jour qu'elle eut passé un ruisseau dans un endroit fort étroit, elle pria une femme qui était au passage de lui faire un peu de place. Cette femme qui la vit dans un habillement si pauvre, lui répondit avec un terme de mépris, « Passe si tu veux », et la poussa si rudement, qu'elle la jeta dans la boue. Les compagnes de Thérèse s'en irritèrent, mais elle leur dit, « Laissez, laissez, mes filles, cette bonne femme a bien rencontré, et a fait cela fort à propos. » Cependant le provincial commençait à s'ennuyer de tant de travaux inutiles, et pensait à s'en retourner. Rien ne pouvait être plus fâcheux pour la sainte que cette résolution. Elle eut recours à la prière, et Jésus-Christ la fortifia de telle sorte qu'elle fut la première à persuader au père provincial, qui devait prêcher le carême à Valladolid, de ne point s'inquiéter d'elle, de partir sans retardement, et de la laisser à Urgo pour poursuivre l'affaire. Ce père, avant son départ, fit en sorte qu'on donna à ces religieuses un petit logement dans l'hôpital de la Conception. Elles y souffrirent beaucoup de froid, à cause qu'on les logea dans de mauvaises petites chambres proches des tuiles, qu'elles eurent même beaucoup de peine à avoir, parce qu'elles faisaient partie de quelques appartements que des dames dévotes avaient dans cet hôpital, et qui s'étaient fait prier beaucoup pour les prêter. Thérèse fut toujours malade en ce lieu. Elle avait un si grand dégoût, qu'elle ne pouvait même regarder la viande. Un jour, elle dit qu'elle croyait qu'une orange lui ouvrirait l'appétit. Peu d'heures après, une dame lui en envoya quelques-unes en petit nombre, mais excellentes. La sainte les reçut avec grand plaisir, et les ayant mises dans sa manche, elle dit qu'elle voulait descendre dans les salles pour y visiter un malade qui se plaignait beaucoup. Lorsqu'elle fut avec les pauvres, elle leur distribua toutes ses oranges. Ses compagnes s'affligèrent qu'elle n'en eût point réserve pour elle. « Je les désirais plus pour eux que pour moi, » répondit-elle d'un air content, « me voilà fort joyeuse d'avoir fait cette distribution. » Il y avait en cet hôpital un homme qui souffrait des douleurs aiguës, et qui poussait de si hauts cris qu'il incommodait tous les malades. La sainte, qui compatissait aux uns et aux autres, vint le trouver où il était. Dès que le pauvre l'aperçut, il ne cria plus. « Mon enfant, lui dit Thérèse, pourquoi criez-vous si haut ? Tâchez d'endurer avec patience ce mal pour l'amour de Dieu. » Le malade lui répondit que ses douleurs étaient si grandes, qu'il semblait qu'on lui arrachait le cœur. Elle demeura quelque temps auprès de lui, et le recommanda fort à Dieu. Ses douleurs et ses cris cessèrent. Et quoiqu'on lui appliquât encore des remèdes violents, il ne criait pas plus que s'il n'eût point eu de mal. Jamais personne n'eut dans ses manières et dans ses discours un art plus sûr pour consoler les personnes affligées. Les pauvres conjuraient souvent l'hospitalière de leur amener cette sainte femme, parce qu'ils n'avaient qu'à la voir pour être aussitôt consolés. Aussi, quand elle s'en alla, tous les malades la pleurèrent et se crurent abandonnés. Enfin, après avoir vaincu beaucoup d'obstacles, elle obtint la permission de l'archevêque, et on lui chercha une maison. Celle qu'on lui trouva ne paraissait lui convenir aux sentiments de personne. Elle alla voir elle-même, et elle lui plut si fort, qu'elle l'acheta. Ce qu'il y eut de plus surprenant, c'est qu'en ce temps-là plusieurs communautés voulant bâtir dans la ville, la même maison avait été fort visitée et fort examinée, sans que personne l'eût trouvée à son gré. Et il semblait que Dieu l'eût réservée pour Thérèse, et pour la lui faire avoir à bon marché. Le monastère fut érigé sous le titre de Saint-Joseph, avec les formalités accoutumées. Le même jour l'archevêque prêcha, il rendit témoignage à la haute estime que méritait Thérèse, et qu'il se repentait d'avoir causé du retardement à sa fondation. Après qu'elle eut achevé cet ouvrage, elle y jeta les yeux, et pria Dieu de donner la nourriture à celle à qui il venait de donner une maison. Dieu l'assura du secours de sa providence, et lui fit connaître qu'elle pouvait partir sans inquiétude. Elle vint de Burgos à Palence, d'où elle écrivit à Don Sanchez d'Avila une lettre où l'on voit par la liberté de son style, que ses indispositions excessives ne l'inquiétaient pas beaucoup. Ensuite elle vint à Médine, d'où elle se disposait à revenir à son couvent d'Avila, dont elle était prieure, mais elle connut qu'il fallait prendre d'autres mesures et changer de dessein, car le père Antoine de Jésus, vicaire provincial, l'attendait à Médine pour la conduire à Albe où la duchesse la demandait. Cette nouvelle l'affligea beaucoup, parce qu'elle se croyait plus utile à Avila, mais sans répliquer ni consulter le besoin qu'elle avait de se reposer après tant de travaux et de maladies, elle monta dans un chariot, fort accablée de ses maux, et proche d'un petit bourg qui est sur la roule, elle tomba en faiblesse, d'une manière qui toucha de pitié tous ceux qui l'accompagnaient. Elle ne trouva en ce lieu rien de propre à manger qu'un peu de figues. La sœur Anne de Saint-Barthélemy, sa compagne, en était désolée. « Ne vous affligez pas, ma fille, lui dit Thérèse, ces figues-là sont fort bonnes, et il y a beaucoup de pauvres qui n'en ont pas tant pour se nourrir. » Elle arrive le lendemain après dîner à la ville d'Albe, toute fatiguée des violentes secousses de la voiture et des incommodités de la route. Elle fut descendre chez la duchesse, qui l'attendait, et lui voulut donner à souper pour la soulager un peu dans l'accablement où elle la voyait, mais la sainte la refusa, parce qu'il y avait dans la ville un monastère de son ordre. Ainsi, après avoir donné plusieurs heures à la duchesse, elle se rendit à son couvent sur les 6 heures du soir, le jour de la Saint-Matthieu 1582. La prieure et les religieuses la supplièrent instamment de se coucher pour se reposer, elle leur obéit, en disant « Dieu me veuille aider, je me sens dans une lassitude et un abattement extrême. Il y a plus de 20 ans que je me suis couchée de si bonne heure. » Le lendemain elle se leva, visita toute la maison, entendit la messe, communia, et, dans tous ses exercices, dont elle s'acquittait avec la ferveur d'un ange, elle traîna ses jours jusqu'à la fête de Saint-Michel, tantôt succombant à ses maux, tantôt se relevant. Le jour de Saint-Michel, après avoir entendu la messe et communié, elle se trouva si considérablement affaiblie par un flux de sang qui la tourmentait, qu'elle se mit au lit. Sa fidèle compagne, la sœur Anne de Saint-Barthélemy, demeurait nuit et jour auprès d'elle, pour satisfaire encore plus à son amitié qu'à son devoir, et même pour consoler la communauté, qui savait l'attachement que la sainte avait pour elle. La duchesse d'Albe entrait tous les jours dans le couvent, et rendait à Thérèse toutes sortes de services de ses propres mains, sans que personne pût l'en empêcher. Le premier jour d'octobre, après qu'elle eut passé toute la nuit à prier, elle fit appeler le père Antoine de Jésus pour se confesser. Ce père, après sa confession, la conjura de s'adresser à Dieu, pour en obtenir qu'il ne la retirât pas encore du monde. Elle lui répondit qu'elle n'y était plus nécessaire, et dès ce jour, là elle commença à donner à ses religieuses de salutaires avis, en leur annonçant qu'elle devait bientôt les quitter. Le père Antoine lui demanda si, supposé qu'elle mourût, elle ne voulait pas que son corps fût porté à Saint-Joseph d'Avila, qui était son propre couvent, « Ai-je quelque chose qui m'appartienne ?» lui répondit-elle, « Et ne me donnera-t-on pas bien ici un peu de terre ?» Comme, la veille de Saint-François, elle sentit l'heure de sa mort approcher, elle demanda les sacrements, tandis qu'on était allé quérir le Saint-Viatique, elle joignit les mains, et dit à ses religieuses ses touchantes et dernières paroles, « Mes filles et mes dames, je vous prie, pour l'amour de Dieu, que les règles et les constitutions soient exactement observées, et que vous ne vous arrêtiez pas aux exemples de cette indigne pécheresse qui va mourir, pensez plutôt à lui pardonner. » Ce discours fit fondre en larmes toutes ses sœurs, dont pas une n'eut la force de lui répondre. Dès qu'elle aperçut dans sa cellule Jésus-Christ sous les voiles eucharistiques, tout accablée qu'elle était de sa paralysie, elle se leva si courageusement à son séant, que si on ne l'eût retenue, elle se serait jetée à terre. Son amour, à la vue de cet aliment céleste, lui donna des forces. Son visage se ranima et parut s'embellir et se rajeunir. Alors, tournant ses yeux ardents vers Jésus-Christ, elle dit ces paroles, « Venez, Seigneur, venez, cher époux, enfin l'heure est venue, et je vais sortir de cet exil. Il est temps, et il est bien juste que je vous voie, après que ce violent désir m'a si longtemps dévoré le cœur. » Quand elle reçut cette divine nourriture, elle demanda l'extrême onction, et répondit attentivement à toutes les prières des sacrés ministres. Elle ne se lassait point de répéter, « Enfin, Seigneur, je suis fille de l'Église », et trouvait dans cette pensée une consolation sensible. Le jour de Saint François, après avoir passé la nuit à souffrir des maux extrêmes, vers les 7 heures du matin, elle laissa pencher sa tête sur les bras de la sœur Anne de Saint-Barthélemy. Tenant de sa main défaillante un crucifix qu'elle ne quitta point, et qu'on ne put lui ôter qu'après sa mort, elle demeura paisiblement dans cette posture les yeux ouverts, et fixement attachée sur l'image du Sauveur jusqu'à 9 heures du soir, qu'elle mourut entre les bras de cette tendre et fidèle amie, que la violence de sa douleur pense à faire expirer avec elle. Thérèse vécut 67 ans, 6 mois, 7 jours. Elle passa 47 ans dans la religion, 27 ans au monastère de l'Incarnation, et les 20 dernières dans sa réforme, dont elle vit l'accroissement jusqu'à 16 couvents de religieuses, et 14 de religieux. Le jour de sa mort, qui fut en l'année 1582, le 4e d'octobre, se trouve aujourd'hui le 15e, depuis la réformation du calendrier. Si les suites de cette mort n'ajoutent rien à la sainteté de Thérèse, elles sont du moins des témoignages éclatants qu'elle est reconnue pour une sainte du premier ordre, à des titres bien incontestables. Nous en rapporterons quelques-uns. Et nous les choisirons entre ceux qui sont mis dans la bulle de sa canonisation, et qui sont tirés des informations juridiques que l'on fit en Espagne par ordre du pape Paul V. Au moment que la sainte expirait, plusieurs religieuses d'une vertu solide et éprouvée, virent différents signes miraculeux, un globe de lumière qui s'élevait dans les airs, une colombe qui de sa cellule s'élevait au ciel, Jésus-Christ lui-même, environné de ses anges, autour de son lit, et plusieurs autres prodiges authentiquement attestés, dont le récit a différé la piété des fidèles, mais qu'il est inutile d'exposer à l'incrédulité des profanes. La mort n'effaça point les traits de la sainte, les rides de la vieillesse disparurent sur son visage, et ses membres demeurèrent aussi flexibles que si elle eût été encore en vie. Une odeur agréable parfuma non seulement toute sa cellule et les environs, mais se répandit au loin dans le monastère. Le corps demeura exposé depuis le soir qu'elle mourut jusqu'au lendemain qu'on célébra la messe. Il fut mis ensuite dans un lieu qui servait alors de cœur d'en bas, et on le posa entre les deux grilles de ce cœur, pour être plus sûrement gardé et tenu plus décemment. Il se fit à ce tombeau plusieurs miracles. Cependant Dieu fit connaître que ce saint corps n'était pas enterré selon excellence de sa dignité, et que les religieuses d'Albe n'avaient pas dû le traiter comme les autres. Elles se souvinrent de tant de prodiges dont Thérèse les avait rendus les témoins, de tant d'exemples de ferveur, de tant de vertus éminemment pratiquées, et regrettèrent le peu de précautions qu'elles avaient eues pour rendre à ce dépôt précieux tout l'honneur et toute la vénération qu'on lui devait. De temps en temps elles entendaient frapper de grands coups autour du sépulcre. Il en sortait souvent une odeur qui parfumait les environs, et tous ces signes leur annonçaient ce que Dieu semblait exiger d'elle. Le père provincial vint visiter le monastère, et elles lui firent le récit de ses merveilles. Il résolut aussitôt de déterrer le corps, mais le voulut faire secrètement, de crainte que les ducs d'Albe n'en fussent offensés ainsi, ayant un soir fait fermer les portes. Lui et son compagnon travaillèrent avec les religieuses à ôter le monceau de pierre qu'on avait jeté dans la fosse et sur le cercueil. Plus on approchait, et plus augmentait la bonne odeur. Il faut remarquer qu'il y avait déjà 9 mois que Sainte Thérèse était morte. Ils découvrirent la caisse, ils trouvèrent la planche de dessus déjà pourrie et pleine de mousse, l'habit de la sainte, qui ne touchait point la chair, était pourri de même, et le corps était plein de la terre que la corruption de l'habit avait formée, en sorte qu'il fallut le ratisser avec un couteau pour le nettoyer. Quand ils l'eurent bien découvert, ils le trouvèrent aussi entier, aussi flexible et aussi blanc qu'au moment qu'elle était morte. Aussitôt ils se jetèrent tous à genoux, pour rendre hommage à la sainteté de leur mère, et pour adorer les miséricordes de Dieu. Ils revêtirent le corps d'un nouvel habit, et le mirent dans un linceul de toile fine. Le provincial en coupa la main gauche pour la porter au monastère d'Avila. Les religieuses d'Albe s'en affligèrent beaucoup, mais il ne laissa pas de le faire, et, le corps ayant été renfermé dans une caisse neuve, il le fit remettre dans son premier sépulcre, parce qu'il n'était pas encore temps d'y faire un plus grand appareil. Cela demeura de la sorte jusqu'en l'année 1585, que les Carmes réformés tinrent un chapitre général à Pastrane. Dom Alvar de Mondos, évêque de Palence, et auparavant d'Avila, avait beaucoup prié le père Gratien d'obtenir à ce chapitre que le corps de la sainte fût porté dans une grande chapelle qu'il y avait fait bâtir du temps qu'il en était évêque. Le père Gratien fit tout ce qu'il put pour faire agréer la proposition aux pères assemblés. Il allégua que la ville d'Avila avait donné naissance à la sainte, que le monastère d'où la réforme tirait son origine y était, qu'il semblait plus convenable pour l'honneur et la dévotion de cette sainte de déposer son corps dans cette ville, qui était très peuplée et très célèbre, et où il y avait une église cathédrale, plusieurs couvents de religieux et de religieuses, que non pas dans Albe, où il n'y avait rien de tout cela, que Thérèse elle-même avait eu ce dessein, puisqu'en sortant de Burgos elle serait revenue dans Avila, si on ne l'en eût pas empêché, et qu'elle n'avait été à Albe que par obéissance au père Antoine, par complaisance pour la duchesse, et pour se reposer en chemin. Après que les pères eurent examiné toutes ces raisons, le nouveau provincial portant la parole, il fut ordonné que le corps serait transporté au monastère de Saint-Joseph d'Avila, mais le plus secrètement que l'on pourrait, pour ne point en donner connaissance au duc d'Albe. Deux commissaires furent dépus du chapitre pour exécuter cette translation. Ils vinrent notifier leur patente à la prieure d'Albe et aux trois plus anciennes religieuses, et en leur présence, pendant que la communauté récitait les matines au chœur, ils enlevèrent le corps après en avoir coupé le bras gauche pour le laisser au monastère d'Albe. Ils trouvèrent le corps aussi entier et dans le même état qu'à la première visite qu'on en avait fait il y avait 2 ans, les habits étaient tout pourris, et le linceul nullement endommagé. On peut se représenter la douleur de ces filles, lorsqu'au sortir de leur prière elles apprirent qu'on leur avait enlevé leur trésor. Les commissaires étant arrivés à Avila, le corps fut reçu des religieuses de Saint-Joseph avec une joie qu'on ne saurait exprimer. Il fut déposé d'abord dans le chapitre sous un magnifique dais et enrichi de tous les ornements les plus précieux. Cette translation ne put être aussi secrète qu'on ne le sut. Quelques personnes de la première distinction, et fort affectionnées à Sainte Thérèse, demandèrent au provincial la permission de visiter ces précieuses reliques. On la leur accorda sans peine, et ils vinrent de la cour descendre chez l'évêque d'Avila, à qui ils déclarèrent ce qui les amenait. L'évêque envoya dire aux religieuses qu'ils se rendraient à leur couvent avec 20 personnes, qu'il leur ordonnait de laisser entrer avec lui pour voir le corps de leur sainte mère. L'évêque se fit accompagner de quelques médecins habiles, qui visitèrent exactement le corps, et furent si surpris de le trouver entier, ferme, flexible, avec les nerfs toujours liés ensemble, sans nulle corruption, et d'où sortait une agréable odeur, qu'ils déclarèrent que cela était trop au-dessus des lois de la nature, pour n'être pas regardé comme un véritable miracle. Ces nouvelles se divulguèrent et vinrent enfin jusqu'à Dom Ferdinand de Tolède, oncle du duc d'Albe, et qui, en l'absence de ce prince, veillait à ses intérêts. Il avait un mérite rare, et une grande réputation, de sorte qu'ayant informé le pape de l'enlèvement qu'on avait fait dans les domaines de son neveu, le Saint-Père en écrivit au nonce qu'il avait en Espagne en 1586, et lui manda d'ordonner au Carme de faire reporter le corps de Sainte Thérèse à la ville d'Albe. Le provincial obéit. Cela se fit néanmoins avec beaucoup de secret, pour éviter l'émotion populaire. On présenta le corps aux religieuses d'Albe, où l'on arriva le 25 août 1586. On leur demanda si elles le reconnaissaient, elles le vérifièrent, et déclarèrent que la translation était fidèle, et dans la suite on érigea un monument magnifique dans une chapelle spacieuse du monastère, où ce dépôt précieux se conserve encore aujourd'hui. Les actes publics qu'on a dressés pour la canonisation de Sainte Thérèse ont été faits avec la plus grande exactitude. Paul V donna la commission de les examiner à l'archevêque de Tolède et aux évêques d'Avila et de Salamanque. Quand les actes eurent été envoyés à Rome, le pape commit 3 auditeurs du palais apostolique, très vigilants et très éclairés, pour en faire la discussion. Leur rapport fut que la sainteté de la Vierge Thérèse était parfaitement bien prouvée dans ses actes, et le Saint-Père les remit aux cardinaux des rites, pour en faire un nouvel examen. Cependant l'ordre de la réforme de Thérèse s'étendait toujours en Espagne, et les monastères de Carme et de Carmélite se multipliaient. Les dons célestes ne cessaient point d'enrichir ces paisibles retraites, et 16 âmes pures et détachées répandaient au loin la bonne odeur de leur vertu. Monsieur de Bérulle fut inspiré de faire un voyage en Espagne pour y travailler à l'établissement d'une colonie de cet ordre dans la France. Son dessein réussit heureusement, et il amena dans ce royaume quelques carmélites choisis des plus éminentes en sainteté, et des plus familières compagnes de Thérèse. Le détail de leur arrivée, leur établissement et leur progrès sont suffisamment expliqués dans la vie de ce grand cardinal, Et nous nous contenterons de louer le Seigneur d'avoir éclairé l'Église de France par de si vives lumières, et donné de si grands exemples de ferveur à tous les fidèles. Chacun sait que le mérite de ces religieuses est au-dessus de tous les éloges. Si l'on entreprenait de leur en faire, on respecterait peu leur modestie, et d'ailleurs, on n'ajouterait rien à la renommée. Cette colonie française avant été établie en 1603, Paul V, qui connaissait non seulement le mérite éclatant de notre sainte, mais combien les religieux et les religieuses de la Réforme étaient utiles à l'Église, pour y donner l'exemple des vertus les plus parfaites, ne perdit aucune occasion de contribuer à l'étendue de cet ordre, et peu de temps avant que de mourir, il écrivit un bref au roi de France, Henri IV, pour l'inviter à recevoir dans son royaume un détachement de ses religieux, pour qui ce grand prince était déjà favorablement prévenu par tout ce qu'il en avait appris, et par la vie que menaient les carmélites. Voici le bref que le pape lui envoya. À notre très cher fils, Henri IV, roi très chrétien, Paul V, pape. Notre très cher fils en Jésus-Christ, salut et bénédiction apostolique. L'unique consolation que nous ayons pour adoucir nos inquiétudes au milieu de nos grands travaux et de nos soins continuels, c'est de voir que, malgré les troubles et les artifices que le démon met incessamment en usage pour s'opposer au culte de la religion et au salut des âmes, on ne manque pas néanmoins de fidèles zélés pour la gloire de Dieu, et animés de charité pour leurs prochains, qui, par leurs discours et par leurs exemples, s'efforcent de ramener dans le droit chemin ceux qui s'égarent, et de donner du secours et de la joie à ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur. Certainement on peut mettre parmi ce nombre nos chers fils les frères Carmes Deschaussées, qui, dans notre bonne ville de Rome, et dans toute l'Italie, ont donné de si beaux exemples de ferveur et de vertu par leurs oraisons, par leur pénitence, par leur prédication, par le ministère de la confession et par l'application à tant d'œuvres saintes dont les âmes fidèles retirent un si grand fruit, cela mérite bien l'extrême affection que nous avons pour eux dans le Seigneur, et que tout le monde les respecte et les honore. Or comme nous avons appris que ces religieux sont très souhaités dans le florissant royaume de votre majesté, que nous jugeons d'ailleurs que la présence de ces saints solitaires sera très utile pour rétablir l'ancienne discipline ecclésiastique dans votre royaume, appelé, à si juste titre, très chrétien, et qu'enfin vous nous avez paru si prudemment et si dévotement désiré de les avoir. Nous exhortons et conjurons instamment votre majesté, par ces présentes, de recevoir en France l'ordre des Carmes Deschaussées. Nous espérons qu'en peu de temps, votre majesté fera l'expérience du profit qu'en retireront vos sujets. Il est en vérité surprenant combien ils sont capables d'inspirer la piété dans les cœurs, parce qu'ils cherchent purement la gloire de Dieu, et le salut des âmes, et qu'ils font profession de la pauvreté la plus parfaite dans la simplicité de leur cœur. Notre vénérable frère le cardinal François de Joyeuse, qui vous présentera cette lettre, vous déclarera plus en détail la sainteté de cette religion, et il est chargé de notre part de vous exhorter vivement à cette œuvre de piété. Aussi nous supplions votre majesté de l'écouter comme nous-mêmes, et d'ajouter à ses paroles autant de foi que si nous vous parlions immédiatement. Nous pouvons vous assurer que nous recevrons beaucoup de joie lorsque nous saurons que nos chers fils et frères les Carmes Deschaussées auront été reçus de votre majesté dans son vaste royaume de France, qu'ils y seront sous vos auspices, et qu'ils y auront fixé leur séjour, comme nous le souhaitons. Nous prions Dieu qu'il vous conserve sous sa protection, et qu'il augmente en vous les dons de sa grâce et de votre zèle pour le rétablissement de la religion catholique. Nous donnons notre bénédiction apostolique du fond de notre cœur à votre majesté. Donnez à Rome en l'église de Saint-Pierre,